des îlots, là. Mais bon. J'ai quand même pas tout teindre en blanc. Et puis c'est beau, perfect imperfection. Ce sera le mot de la fin. Allez. Merci beaucoup, Eric Cantona. Merci à vous, Rebecca. L'une des chansons d'Eric Cantona s'intitule « Que je travestis ». Il y a question de mensonge, ce qu'on se raconte, ce qu'on accepte de croire. Et le micro était éteint quand je lui ai posé une question sur ce morceau. Il m'a répondu à quelques mots près. Je ne pense pas avoir menti pendant cette interview, mais de toute façon, on réécrit toujours l'histoire pour vivre à peu près normalement. Collectivement, l'histoire est le récit des vainqueurs. Mais à mon échelle, moi aussi, je réécris mon passé et ma vie. Des épaves au fond, pris de nausées, mes souvenirs en font la vérité. Et croyez-moi, ma foi, mensonge, en se planchant en surface, tout passe. C'est l'histoire que j'écris avec ma mémoire que je travestis. C'est l'histoire que j'écris avec ma mémoire que je travestis. Perfect Imperfection, c'est le titre de l'album d'Eric Cantona, disponible à partir du 13 mars. Guillaume Giraud a réalisé cet épisode de Totémique avec Céline Guéribi et Théo de Lobader. Ce matin, Perrine Malinge programme nos invités, Ilinka Negulesco trouve les sons et la documentation et JB Audibert choisit les disques qui composent notre BO. La semaine prochaine, je vous propose une rencontre avec le comédien Samy Bouajila, suivront Sandrine Kiberlin et l'écrivain Jérôme Ferrari. Dans un instant, retrouvez le 6-9 de France Inter. Inter, la nuit, les meilleures émissions, les meilleurs podcasts. Moi j'attendais juste après. J'ai pas trouvé les mots. Tout est de ma faute. France Inter, la nuit. Je ne l'ai jamais, jamais dit à personne. Qu'en sortant de l'école, je voulais pas revoir la maison. À 16 ans à peine, je passe de temps en toi, de virage en virage, drôle de vie incertaine. Vol à l'étalage pour une belle paire d'Adidas, ça fait beaucoup trop de semaines. Qu'un nœud dans l'œsophage, jouer l'entourage, je crois que j'avais perdu la tête. Jamais, jamais dit, je l'avais jamais, jamais. Non, je ne l'ai jamais, jamais dit à personne. C'est pour lui plaire que maman oublie mon prénom. Donc je me tais, j'efface toutes mes questions. Bienvenue sur France Inter, ravie de vous retrouver au petit matin. Merci d'écouter le 6-9 et bon réveil. Nous sommes le samedi 7 mars 2006 et il est 6h. Marion Lourd. Le 6-9. La langue à fourcher, c'est évidemment 2026 et le 6-9 démarre avec un premier point sur l'actualité. C'est avec vous. Bonjour Magali Omo. Bonjour à tous. La nuit a été courte à Téhéran, la capitale iranienne visée par des frappes israéliennes. Israël a affirmé hier soir être en train de broyer le régime iranien. Le feu israélien s'abat aussi sur le Liban. La force onusienne dans le pays a été prise pour cible hier dans le sud. Deux casques bleus ont été gravement blessés. Emmanuel Macron a condamné une attaque inacceptable. Mais alors que les bombardements sont intenses dans ce secteur, dans certains villages chrétiens, les habitants ne veulent pas partir. C'est le cas de Jacqueline Akayem. Elle craint de tout perdre si elle abandonne sa maison. Si on va vider les maisons, les villages, alors Israël et Hezbollah vont être ici dans les lieux vides et faire des combats. Par conséquent, toutes les maisons, tous les biens, tous les terrains vont être détruits. Jacqueline Akayem au micro de nos envoyés spéciaux Étienne Monin et Martin Troadec. L'Iran continue sa riposte. Une explosion a retenti ce matin à Jérusalem. Des bombardements entendus également à Dubaï, aux Émirats et à Manama, la capitale du Bahreïn. Le ministre saoudien de la Défense de son côté appelle Téhéran à la sagesse et à éviter toute erreur d'appréciation. C'est donc une huitième journée de guerre qui commence, mais Donald Trump l'assure, les opérations militaires se déroulent très bien. Il appelle l'Iran à une capitulation sans condition. Les États-Unis qui disent avoir frappé plus de 3000 cibles depuis une semaine. Conséquence de cette guerre, les cours du pétrole s'envolent. Le baril de Brent a atteint 92$ à la clôture. Hier, le pétrole a bondi de presque 30% en une semaine. Un niveau que l'on n'avait pas vu depuis 2023. Et ça se voit à la pompe en France. Malgré les appels à la retenue du gouvernement, les automobilistes font des stocks, des réserves en remplissant des bidons et des jerrycans. Nicolas Cosnard est directeur d'un supermarché dans le sud de la Sarthe. On augmente les prix, pourquoi ? Parce qu'on achète le carburant plus cher, tout simplement. On a pris une hausse de 10 centimes, puis après 15 centimes, et là ils annoncent encore une hausse de 10 centimes lundi. On peut pas vendre à perte, donc on augmente les tarifs, voilà. Et on n'a pas de stock, donc si on avait du stock encore, on pourrait attendre d'augmenter. Par contre, Total, les hausses, les auront plus tard. Ils les ont pas aujourd'hui. Eux, ils ont du stock. Donc je pense qu'eux, ils gagnent de l'argent. Donc il y en a qui spéculent, là, certainement. Il n'y a pas que le prix du carburant qui est en hausse. Notre facture de gaz pourrait aussi augmenter. Le ministère de l'économie dit en tout cas s'attendre à une hausse à partir du mois de mai pour ceux qui n'ont pas de contrat en offre à prix fixe. Ça représenterait moins de 10 euros par mois. Selon Bercy, le ministère de l'économie pleinement mobilisé pour poursuivre la réduction du déficit et de la dette. Réaction après le maintien par Fitch de la note de la France. A plus, avec une perspective stable, l'agence de notation américaine souligne tout de même que le contexte sociopolitique complique l'assainissement budgétaire. Dans l'actualité également, le rappeur Naps, remis en liberté sous contrôle judiciaire. L'artiste a été condamné le mois dernier en première instance à 7 ans de prison avec mandat de dépôt pour avoir violé une femme en 2021. Remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant son procès en appel. Vous croiserez peut-être ce week-end à l'entrée des supermarchés des personnes avec des chasubles roses. Les Restos du Cœur organisent leur grande collecte annuelle. Produits d'hygiène, denrées alimentaires. Objectif, réunir en 3 jours 12% des dons en nature annuelle de l'association. C'est reparti pour 10 jours de compétition. Les Jeux Paralympiques de Milan-Cortina sont ouverts. La flamme a été ravivée lors de la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie hier soir marquée par le retour de la Russie et du Bélarus dans l'olympisme sur fond de guerre en Ukraine. Durant la parade, les para-athlètes de ces deux pays ont été hués par une partie du public. Aujourd'hui, place au sport avec les premières épreuves et les premières chances de médailles françaises, notamment en descente en ski alpin. Aurélie Richard, 20 ans, la benjamine de la délégation tricolore, vient de remporter la Coupe du Monde de la spécialité. Elle est motivée comme jamais. J'ai juste hâte de découvrir. J'ai un peu de stress parce que ce sera ma première course paralympique. J'ai pas envie de la rater. Juste de l'excitation d'être au départ et puis de performer. L'objectif, c'est de commencer dès le début, d'être directement dans la compétition et d'aller chercher direct une médaille, la plus belle si possible. Et puis de montrer aux autres concurrentes que je suis là et que je vais rien leur laisser. La descente, c'est tout à l'heure à partir de 9h30. Magali Homo pour l'information. Merci beaucoup et bonne nuit à vous, Magali. France Inter. Et les invités du 6-9 aujourd'hui sur France Inter. Municipal J-8, gros plan sur une grande ville, celle de Lyon. À 7h50, nous recevons le maire écologiste sortant, candidat à sa réélection, Grégory Doucet. Et à 8h20, un grand entretien spécial Liban, alors qu'Israël frappe le sud du pays pour éliminer la milice chiite Hezbollah, faisant plus de 200 morts et des centaines de milliers de déplacés. Deux invités en studio, toutes deux à l'origine d'un ouvrage de correspondance avec ce Liban en crise. La journaliste et essayiste Alexandra Schwarzbrot, qui co-signe avec le photographe Fouad El Khoury Les Pins de Reshmaïa aux éditions Artaud. Et autour de la table aussi la dessinatrice de BD Michèle Stanjowski, autrice avec Charles Berberian de la BD Et toi, comment ça va aux éditions Casterman. On attend vos questions, vos réactions. 01 45 24 7000. Le standard ouvre à 7h ou dès maintenant sur l'application France Inter. Et voici venir une autre Magali. Bonjour Magali Rochereau. Bonjour Marion, bonjour à tous. Le temps est nuageux et doux dans l'ensemble aujourd'hui. Et oui, autour du Languedoc, les entrées maritimes sont moins actives que ces derniers jours. 30 à 50 mm de précipitations sont attendues sur les Cévennes et 10 à 20 en plaine vers l'ouest des Pyrénées. Au nord du pays, le temps est plus calme, avec peu de vent et beaucoup de brouillard entre la Bretagne et les Hauts-de-France qui se dissipent lentement. Il y aura peut-être quelques gouttes sous les nuages les plus épais. Et côté ouest, c'est inégal, sous le voile qui se densifie avec cette poussière désertique venue du Sahara. Et cet après-midi, le ciel sera plus lumineux en Île-de-France. Oui, Météo France alerte quand même sur un épisode de pollution aux particules fines dues au sable en région parisienne. Plus à l'ouest, de petits orages modérés éclatent au sud de la Nouvelle-Aquitaine et dans les Pyrénées-Orientales comme entre le Nord-Poitou et la Touraine. Les entrées maritimes, elles, se rétractent entre l'Hérault, le Gard et les Cévennes. Mais le ciel reste bien gris sur l'est de la Corse. Et puis au thermomètre, c'est doux toujours, entre 10 et 12 degrés sur le pays ce matin à votre réveil. Cet après-midi, les régions de l'ouest perdent quelques degrés. Comptez 13 degrés à Saint-Brieuc et 14 à Biarritz, comme à Brest. Merci Magali Rochereau. Rendez-vous pour un autre point météo dans une petite demi-heure. Il est 6h07 sur France Inter. France Inter, le 6-9. L'heure de l'actualité des Outre-mer et ce matin c'est avec vous. Bonjour Edwige Saint-Thomas. Bonjour Marion, bonjour à tous. Dans ces territoires aussi, les automobilistes s'inquiètent d'une possible pénurie de carburant à cause du conflit au Moyen-Orient. Et ces derniers jours, des files d'attente sont apparues dans les stations-service de Martinique et de Guadeloupe notamment. Pourtant, du côté de la SARA, la société anonyme de raffinerie des Antilles, on se veut rassurant. Pas de pénurie en vue dans l'immédiat, affirme son directeur général Olivier Cotin. Il est au micro Martinique la première de Pierre-Yves Honoré. Au niveau de la Sahara s'approvisionne essentiellement dans la mer du Nord et donc les pétroliers ne passent pas par le détroit d'Ormuz. Le risque porte davantage sur le prix des carburants qui risque d'être impacté par une augmentation du pétrole brut. Pas de crainte, d'autant plus qu'effectivement un pétrolier arrive, donc nous avons de quoi tenir au moins un mois, deux mois, sans avoir besoin de recommander une quelconque cargaison de pétrole brut. Il est inutile de se ruer sur les stations-service plus que d'habitude, puisqu'encore une fois, les prix sont fixés sur le mois de mars, donc il est inutile de créer une rupture qui serait liée à autre chose que le phénomène actuel. Précisant que dans la plupart des territoires d'outre-mer, le prix du carburant est réglementé. Un plafond est fixé par le préfet, il est réactualisé mensuellement. Avec plus de 58 000 visiteurs accueillis en 2025, l'an dernier donc, l'activité touristique reprend des couleurs en Nouvelle-Calédonie. Une année de relance après les émeutes de 2024, selon les chiffres dévoilés par Nouvelle-Calédonie Tourisme. Les précisions de Sheima Riahi. La métropole reste le principal moteur de la reprise touristique. 24 252 visiteurs en 2025, ce qui représente 42% des arrivées totales sur le sol calédonien. Une relance notamment tractée ces derniers mois par un tourisme affinitaire, c'est-à-dire un tourisme familial ou amical, pour une durée moyenne de séjour de plus de 32 jours. La reprise s'appuie également sur les marchés de proximité, notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande, malgré les niveaux d'alerte officiels contraignants et la suspension d'un certain nombre de vols post-émeute. Autre indicateur stratégique, en 2025, les primo-visiteurs représentent 40% des arrivées, contre 62% en 2019. Une nouvelle clientèle qui pourrait booster l'attractivité de la Calédonie. C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui se fixe comme objectif 250 000 touristes à l'horizon 2032. Chez Marie Haï, de Nouvelle-Calédonie, la première. Et puis on parle, pour terminer ce journal des Outre-mer, d'un nouveau fruit qui fait son apparition à La Réunion. Oui, il s'agit de l'abiu, un fruit rond et jaune venu d'Amérique du Sud et cultivé dans le sud de La Réunion depuis 2020, comme le litchi, la mangue, l'ananas Victoria, devenu emblématique de La Réunion. Ce fruit a été introduit par l'homme. Suzette Emma, Réunion la première. Samuel Constancy a planté dans son verger une centaine d'arbres. Les premières récoltes sont prometteuses. Un fruit rond, jaune à maturité, à la chair claire et juteuse. Une espèce qui a été introduite récemment sur l'île, probablement dans les années 80. Nous, on l'a réintroduite sous forme de variété sélectionnée, qui donne donc des fruits plus calibrés, plus gros, plus charnus, la famille des sapotacées, avec ce latex caractéristique au niveau de la peau, et à l'intérieur, une chair qui est translucide, qui est saveur caramel. C'est très sucré. La culture de la bio est réalisée sous treille, bien protégée des insectes. C'est un dispositif assez particulier pour pouvoir ensuite déployer un filet et protéger contre la mouche des fruits. C'est vraiment un fléau. Et là, donc, on a opté pour ce qu'on appelle la lutte physique, qui consiste à déployer un filet insect-proof au-dessus des arbres. De cette manière, les fruits vont pouvoir prospérer et faire leur maturation à l'abri de cette fameuse mouche. Une culture qui en est à ses balbutiements. Depuis 10 ans, le pépiniériste vend des plants à de futurs producteurs. Nul doute que la bio apparaîtra prochainement sur les marchés. Suzette Emma, et ce fruit s'apprécie particulièrement, paraît-il, quand il est bien frais. Eh bien, merci du conseil, Edwige Saint-Thomas, et merci pour ce journal des Outre-mer qu'on peut réécouter dès maintenant sur l'application Radio France. Allez, avant d'ouvrir des livres au petit matin, un duo pour commencer en musique. Drake et Rihanna partagent ce titre, Take Care. No, you've been hurt. If you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost. I've asked about you and they told me things, but my mind didn't change. Still feel the same. What's a life with no fun? Please don't be so ashamed. I've had mine, you've had yours. We both know, we know. They won't get you like I will. My only wish is I die real, 'cause that truth hurts and those lies heal. And you can't sleep thinking that he lies still, so you cry still. Tears all in a pillowcase. Big girl dog, get a little taste, ah. Pushing me away so I give her space, ah. Dealing with a heart that I didn't break. I'll be there for you, I would care for you. I keep thinking you just don't know. Trying to run from that, say you're done with that. On your face, girl, it just don't show. When you're ready, just say you're ready. When all the baggage just ain't as heavy. And the party's over, just don't forget me. We'll change the pace and we'll just go slow. You won't ever have to worry. You won't ever have to hide. And you've seen all my mistakes. So look me in my eyes. Cause if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost. My birthday, I get high if I want to. Can't deny that I want you, but I lie if I have to. Cause you don't say you love me to your friends when they ask you, even though we both know that you do. Take care, prends soin de toi, c'est tout ce qu'on vous souhaite au petit matin. C'est signé Drake avec Rihanna et c'était en 2012. Le 6-9 sur France Inter. Allez, quoi de mieux que de la littérature au petit matin pour prendre soin de soi, justement. Au livre, etc. sur France Inter, c'est ce soir et Lilia Hassen accueillera trois autrices, chacune à leur manière, fait de la lecture un lieu de métamorphose. Au générique, Christine Jordis qui publie Passion anglaise, Lolita Peel et son Antigone Reine et la chercheuse Irène Fenoglio pour Tout héritage est une métamorphose. Christine Jordis, vous avez trouvé votre maison dans la littérature anglaise sans y être née. Qu'est-ce qui vous a appelé dans cette culture, dans cette langue ? Bien, je crois que c'est arrivé très tôt dans ma vie et que c'est parce que je suis française, c'est-à-dire d'ailleurs par rapport à l'Angleterre, que j'ai tant aimé ce pays. Ayant pâti ou bénéficié, selon le point de vue, d'une éducation comme on en avait, et peut-être parfois encore, très stricte, j'ai eu tout à coup en Angleterre, où on m'avait envoyé, pour apprendre la langue, une espèce d'illumination en sentant pour la première fois une immense liberté. Irène Fenoglio, ça doit vous parler, ce que dit Christine Jordis. Et pas seulement parce que vous êtes une linguiste. Dans votre livre, vous refusez la métaphore des racines qui sont figées, qui renvoient au passé. Vous dites que la souche est un arbre mort et vous préférez dire que nous avons des pieds pour marcher et nous éloigner des sources. Oui, je pense profondément cela. Je pense que dire de quelqu'un qu'il a telle ou telle racine, c'est l'assigner à une place particulière dont il aura du mal à sortir. Or, je pense que toute l'évolution de notre généalogie humaine dit que nous sommes redressés et nous pensons parce que nous nous sommes redressés sur nos jambes. Tous les anthropologues aujourd'hui disent que le propre de l'homme est de marcher. Donc oui, c'est une métaphore, si vous voulez, dont je me méfie parce que elle imprègne tellement les discours aujourd'hui les plus fascistes, les plus racistes, les plus assignatoires à une identité propre et unique que j'ai réfléchi à cette métaphore pour la refuser. Et vous, Lolita Peel, quelle est votre patrie ? En lisant, je me suis dit que c'était peut-être la fiction. C'est la littérature, c'est certain. Ça pourrait être aussi, d'une certaine manière, la littérature anglaise dont parlait Christine Jordis. On dit Jordi ou Jordis ? Vous dites Jordis et vous dites Christine, surtout. Christine. J'ai lu Les Hauts de Relevant d'Emily Brontë quand j'avais, 8 ou 9 ans, en Écosse. J'étais en vacances chez une tante. Et alors, en lisant Emily Brontë, je me suis rendu compte que je ne vivais pas dans la réalité ou que je vivais dans une réalité qui était très étriquée, très, très fade. Je me suis mise à fantasmer sur la Lande, mais alors, dans mon esprit, la Lande, c'était un espace... D'ailleurs, des racines extrêmement tortueuses, un vent absolument permanent, c'était une sorte de jungle... Quand j'ai découvert la véritable lande, j'ai été très étonnée par l'espèce d'aridité et de dénuement de cette lande. Et en fait, pourquoi est-ce que les Hauts de Relevant sont devenus une sorte de patrie que j'ai aussitôt choisie ? comme j'ai choisi les Brontë pour ma famille, mes sœurs, etc. Parce que d'autres valeurs, d'autres lois, d'autres hiérarchies, une hiérarchie, une espèce de hiérarchie de l'âme, avait cours dans cette espèce de royaume. Et moi, je n'avais que mon enfance un peu étriquée, un peu enfermée, mes parents, et puis un peu la télévision, mais voilà. Et c'était un avant-goût de l'émission au livre, etc., présenté par Lilia Hassen. Rendez-vous à 14h pour l'émission complète. 6h18 sur France Inter. Et on prend le temps de ne rien faire dans les petits bateaux de Camille Cronier ce matin. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, je sais pas quoi faire. Bonjour, je m'appelle Alma, j'ai 5 ans et j'aimerais savoir pourquoi c'est bien de s'ennuyer. Ah, merci pour cette question Alma, pourquoi c'est bien de s'ennuyer? Je pense qu'on a dû te le dire et t'as un petit doute sur est-ce que c'est vraiment si bien de s'ennuyer. Ouais, moi je te le dis, c'est trop bien de s'ennuyer, mais c'est pas moi qui vais t'expliquer pourquoi. C'est un médecin, il est psychiatre, Amin Benyamina. Vous exercez à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Ah, c'est une question fantastique. L'ennui a toujours été associé à de la paresse, de l'inactivité, alors que l'ennui c'est une vertu qui permet de se reconnecter avec soi-même. Ça permet de laisser libre cours à son monde intérieur, à ce qu'on appelle l'imagination, l'introspection. Ça, c'est extrêmement important. Et on parle aussi de miroir intérieur. Si on ne s'ennuie pas, on ne peut pas le faire. Il y a vraiment, quand je dis rien, mais s'ennuyer. Alors, ce n'est pas de l'ennui en vérité. On l'appelle ennui, mais c'est se retrouver seul avec soi-même. S'ennuyer, ce n'est pas un livre, ce n'est pas regarder la nature, c'est rester et avoir un regard qui se retourne dans son cerveau et qui regarde ce qu'on fait. Oui, mais alors moi, là, en vous entendant, j'ai tous les enfants en tête qui font « je m'ennuie ». Alors aussi bien eux que les parents, ils vous entendent, ils vont dire « ok, mais comment on fait ?» Eh bien, c'est très important d'avoir entendu ce que je viens de dire. C'est dire aux parents, lorsqu'un enfant vous dit « je m'ennuie », tu lui dis « ben, prends le temps de penser, réfléchis à l'intérieur de toi, pense à des choses ». Laisse libre cours à ton imagination. Mais je m'en fiche, je m'ennuie. Mais essaye. Oui, mais je m'en fiche, je m'ennuie quand même. Alors, s'il s'ennuie, vraiment, si vous lui donnez une activité alternative, il va s'ennuyer aussi. Parce que l'ennui, ce n'est pas quelque chose lié au vide. C'est un état dans lequel il faut être en empathie avec soi-même. Ça veut dire il faut quoi? Être ce qu'on appelle, c'est-à-dire aimer ce qu'on en ressent. On appelle ça être égosyntonique, c'est-à-dire être en adéquation avec soi-même. Égosyntonique. Je me sens bien. Égo, c'est moi. Syntonie, je me sens bien avec moi-même. Je m'ennuie. D'ailleurs, il y a des écrivains qui ont beaucoup écrit sur l'ennui. Ils parlaient de paresse parce que c'était plus poétique. Donc, attention, ce n'est pas un défaut de s'ennuyer. Ce n'est pas quelque chose qui doit faire l'objet de raillerie. D'ailleurs, si tu poses la question, c'est qu'à mon avis, tu dois penser qu'il essaie bien de s'ennuyer. Et tu as bien raison de le penser. Quand on s'ennuie, ça veut dire que vous dites on se reconnecte à soi-même. Est-ce qu'on peut en profiter pour, du coup, vous parliez de l'imagination, pour imaginer des nouveaux jeux, imaginer des histoires, imaginer un oui. futur. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même quand on est jeune, quand Alma vous écoute et quand même elle cherche une petite solution pour avoir l'impression de moins s'ennuyer? Je pense qu'elle peut laisser libre cours à son imagination et puis du coup, elle va arrêter vite l'ennui parce qu'elle va commencer à écrire, à imaginer des choses, à se parler à elle-même, à convoquer ses vieux souvenirs. Ça, c'est extrêmement important. Parce que quand on ne s'ennuie pas, on a toujours l'esprit occupé à quelque chose. Il faut faire un travail de vide. C'est ce que font, avec beaucoup d'entraînement, les personnes qui font de la méditation. Oui, mais quand on a 5 ans, comme ça. Alma... C'est compliqué. Mais attention, l'ennui a des vertus. Les vertus de se retrouver avec soi-même. Et ce n'est pas toujours inintéressant. Au contraire, même. Bon, bah, il n'y a plus qu'à essayer. Salut les matelots. Les petits bateaux. À retrouver quand vous voulez sur l'appli Radio France. Et salut Camille Crenier, vous revenez avec vos petits bateaux à 20h05 ce soir, on a le temps de s'ennuyer un petit peu avant. France Inter. À 6h22 sur France Inter, cette question cruciale, comment est-ce qu'on nous parle? Mao Drama s'intéresse à l'appauvrissement du langage politique et se demande si on ne nous prendrait pas pour des idiots. Absolument. Et donc des cons, je sais pas. Et je me dis, c'est pas parce que Macron répond toujours avec la bouche un peu pincée, le sourcil levé et qui fait « Il faut tout de suite tirer des conclusions hâtives. Et c'est pas non plus parce qu'on nous envoie une lettre à nos 29 ans qui nous apprend à faire des bébés qu'il faut tout voir en noir en fait. Cependant, nous prend-on pour des cons? J'ai mené mon enquête. voilà mes conclusions. Alors, pour des cons, je sais pas, mais des gosses, oui. Preuve numéro uno. Et ça, c'est pas un jeu de société, c'est juste un chiffre 1 en langue étrangère, parce qu'être smart et bimbo, c'est ma DA. Des chercheurs ont compté le nombre de mots moyens utilisés par Trump. Combien ? Je sais pas, je vous le dis, 200 mots. 200 mots, c'est le nombre de mots qu'utilise un enfant de 18 mois. C'est-à-dire que les traducteurs de Trump sont tout le temps dans un état de sidération. Ça, ils sont là. Poutine n'est pas gentil, Macron, caca boudin, méchant a fait bobo, aux États-Unis, prout. Son niveau, il est tellement incompréhensible, et ce que je vous dis est une vraie histoire, qu'en 2020, il y a un ingénieur qui a créé un robot qui s'appelle Margaret pour tenter d'analyser ses discours. Premier discours de 127 mots, le robot a planté. Donc dans la vie, quand vous vous dites franchement, je ne suis pas au top, c'est OK. Parce que Trump, il a mis un robot en burn-out. La plus grande démocratie du monde a élu un homme qui ressemble à un Saint-Nectaire qui n'a pas respecté la chaîne du froid. And it's OK. Preuve numéro doué demi enquêtas. Je continue à parler en anglais car j'ai fait LV2 espagnol en 5e B que j'aime bien intégrer en vacances car je sais dire hablo mojito. Je sais également dire el piel que habito, habla con ella volver todo sobre mi madre. Oui, c'est toute la filmographie d'Almodovar, mise côte à côte. Ma nouvelle preuve, c'est qu'on est en période de municipale assez tendue, puisque je fais des paralysies du sommeil en me demandant quelle va être la nouvelle vidéo de Sarah Knafo. Et sa première vidéo, elle s'est pas fait chier, c'était carrément face à un gosse. Donc c'est pas qu'on nous prend pour des gosses, c'est que c'est le cas. Et d'ailleurs, le gosse pas du tout briefé, tu sais, il était là. Bah, c'est que les méchants, ils sont toujours marrons. Et... en plus, leurs peines planchers ne sont pas respectées conformément à l'article 127-4 du code pénal. C'est bien ça que je devais dire, maman. Il y a beaucoup d'élus qui simplifient leur discours parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Mais en fait, c'est juste une stratégie discursive pour remplir un vide intellectuel. Du coup, maintenant, on ne dit plus un truc important comme l'état-providence est nécessaire à la poursuite de notre société, mais des choses comme « Ce matin, le temps était voilé. Voilé, comme par hasard. » Preuve numéro trio. Quand un journaliste dit à Macron, les Français n'ont pas trop aimé la dissolution. Il dit pas, je suis désolé. Il dit, je suis désolé que les Français n'aient pas compris ma démarche. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, il assume qu'en fait, il a pris comme ça tous les votes. Il en a fait en fait une boule de papier qu'il a en fait digérée dans le simple but en fait de la déféquer. Vous vous rappelez aussi le moment où il a dit, for sure, for sure. On était là genre, trop marrant, le président, il parle en anglais. Trop marrant, comme en deux mots, lui a donné deux points de cote de popularité. Trop marrant, parce que for sure, on sait pas de quoi il parlait avant. Alors qu'avant, il parlait d'un truc important, il parlait de la lenteur des décisions diplomatiques. Donc, maintenant, on a juste parlé du fait qu'avec des lunettes, Macron, il ressemble un petit peu à un producteur porno des années 70. Et, en attendant, aucun accord de paix n'a été trouvé à Gaza. Donc, prouvons-leur qu'on n'est pas des gosses, prouvons-leur qu'on a nos dents définitives et allez voter dans le sens de l'histoire. L'humour de Mao Drama dans la grande matinale de France Inter cette semaine. À suivre, la météo et le journal, mais juste avant un nouveau titre, solaire dans la playlist de France Inter, Easy to Love, signé Jordan Rakey et Tom McFarland. to Love, DJ et producteur australien Jordan Rakey et Tom Farland du groupe Jungle. Toyota. Toi aussi, franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de trois rues. Coincé dans les bouchons ? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota Ego Cross. 100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota Ego Cross est à partir de seulement 169 euros par mois, entretien inclus. Toyota Ego Cross Dynamique LLD 37-30 000 km, premier loyer 3 990 euros, réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 31 mars dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. 6h28. La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature, par tous les temps. À découvrir sur utopia.com. Magali Rochereau, vous nous annoncez une journée encore contrastée. Et oui Marion, le temps reste perturbé dans le sud du pays avec cette goutte froide qui amène des pluies toute la journée sur le Languedoc. Plus largement, les nuages dominent de la Bretagne et des Pays de la Loire vers le sud-ouest, le Massif central et la région PACA. Et quelques averses circulent parfois accompagnées de coups de tonnerre dans l'après-midi, notamment en Aquitaine où les pluies vont se renforcer en soirée. Et puis la neige tombe sur les Pyrénées à partir de 1600 à 1800 mètres. Au nord et au nord-est, le temps est bien plus calme après dissipation des brumes matinales et le soleil domine largement de la Normandie aux Hauts-de-France, puis vers le Grand Est et les Alpes avec juste un léger voile nuageux. Et les températures restent douces ? Et oui, vous avez généralement 7 à 12 degrés ce matin à votre réveil. 11 dans la capitale, 12 à Bordeaux et 15 à Marseille. Dans le Nord-Est, c'est plus frais, entre 1 et 6 degrés. 5 à Strasbourg et 6 à Reims. Et cet après-midi, Météo France prévoit des maximales de 16 à 21 degrés sur la plupart des régions. Comptez 16 à Lille et 19 à Nantes. Mais près de la Manche et sur le nord de l'Alsace, elles ne dépasseront pas 12 à 15 degrés. Et tout ça, c'est au-dessus des normales de saison, donc. Ah oui, à peu près 8 degrés au-dessus des normales de saison, en général. Merci, Magali Rochereau. Merci à vous de vous réveiller à l'écoute de France Inter. Il est 6h30. Le journal, Paola Guzzo. Bonjour, Paola. Bonjour. Ces échanges de tirs entre Iran et Israël ce matin, 7 jours après le début de la guerre au Moyen-Orient, le sud de Liban aussi lourdement touché. Mais certains habitants refusent d'évacuer. Notre reporter Étienne Monin est sur place. À la une aussi ce matin, nous en savons plus sur le profil des deux hommes qui ont déposé il y a une semaine une tête de cochon devant le domicile du maire de Nice, Christian Estrosi. Et puis cette lourde défaite du PSG hier face à Monaco à domicile en plus. Les frappes se poursuivent ce matin au 8e jour de la guerre au Moyen-Orient. Des explosions entendues à Dubaï, à Manama dans la capitale du Bahreïn, mais aussi à Jérusalem, conséquence des échanges de tirs entre l'Iran et Israël. Alors que Donald Trump déclarait hier soir vouloir continuer jusqu'à la capitulation de Téhéran, l'armée israélienne qui dit cette nuit avoir lancé des frappes de grande ampleur sur la capitale iranienne, après avoir ciblé hier le sud du Liban avec la même intensité pour atteindre le Hezbollah. L'État libanais demande l'évacuation des habitants, mais à Marjayoun, à 10 km de la frontière israélienne, la communauté chrétienne résiste, Étienne Monin. Dans ce village, l'Oftala Daer est l'une des vigies. Il est correspondant pour la chaîne libanaise LBC. Il passe ses journées sur le toit de sa maison pour filmer les combats. Hier, j'ai vu un tank. Et ce matin aussi, je peux vous montrer. Ce journaliste fait partie des derniers habitants du secteur. Autour de lui, la rue est assez vide. Il est chrétien. Il estime que cette guerre n'est pas la sienne, qu'il n'est pas menacé. On n'est pas des cibles. On est en sécurité. Les Israéliens savent tout. On n'est pas impliqués dans cette guerre. Hier, 200 personnes se sont rassemblées dans une paroisse. Les chefs des différentes églises avaient un message à faire passer, dit le vicaire Antonio Sfara. Tout le monde doit rester dans son village, rester ancré dans l'histoire, dans la géographie aussi. Ces chrétiens se considèrent comme le dernier rempart face au pouvoir du Hezbollah dans ce secteur. Ils craignent de tout perdre s'ils abandonnent le terrain, explique Jacqueline Caille. Si on va vider les maisons, les villages, alors Israël et Hezbollah vont être ici dans les lieux vides et faire des combats. Par conséquent, toutes les maisons, tous les biens, tous les terrains vont être détruits. Et ces derniers chrétiens du Sud sont prêts à rester, y compris sous occupation israélienne. Notre reporter Étienne Monin avec les moyens techniques de Martin Troadec. Hier au Liban, une frappe a touché un site des Nations Unies sur lequel étaient positionnées des forces intérimaires. Deux casques bleus ont été gravement blessés. Attaque qualifiée d'inacceptable par le président Emmanuel Macron. Les États-Unis annoncent avoir frappé plus de 3000 cibles depuis le début du conflit il y a 8 jours. des centres militaires, mais aussi des navires et sous-marins. Le président russe, lui, a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Iran, à un retour sur la voie d'un règlement politique et diplomatique. C'était hier soir, lors d'un échange au téléphone avec son homologue iranien, Massoud Pezeshian. En France, suite de l'affaire de la tête de cochon découverte devant le domicile du maire de Nice, Christian Estrosi. Qui sont ces deux hommes au casier judiciaire chargé? Et surtout, quelles sont leurs motivations? Arrêtés à Nice et en Seine-et-Marne ces derniers jours dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour violence sur un élu et provocation à la haine. Et nous apprenons aujourd'hui, Caroline Saglione, que l'un des deux hommes a tenté d'infiltrer l'équipe de campagne du maire sortant. C'est en tout cas ce que dit dans un communiqué l'avocat de Christian Estrosi. Maître Olivier Baratel y indique que l'un des deux individus interpellés avait tenté d'entrer dans l'équipe de campagne du maire. L'avocat précise que l'homme n'a participé à aucune réunion de campagne. Christian Estrosi s'est d'ailleurs constitué partie civile, tandis que Maître Baratel y appelle à la plus grande prudence dans cette affaire. Un communiqué qui intervient en même temps que les révélations de nos confrères de Nice Matin et d'Europe 1. Selon eux, l'individu interpellé le 4 mars à Nice, non loin de l'endroit où se trouvait Christian Estrosi, a été en contact avec l'un des membres du cabinet. Son téléphone saisi lors des perquisitions, indiquent nos confrères, fait état de plus de 10 échanges avec l'une des collaboratrices du maire. En garde à vue, l'homme a tout nié en bloc. Quant au second, en situation irrégulière, il a reconnu sa participation à certains actes préalables, tout en contestant son implication directe et volontaire. Le rappeur Naps remis en liberté sous contrôle judiciaire. Décision de la cour d'appel hier communiquée à ses avocats. Le rappeur marseillais a été condamné en février à 7 ans de prison pour le viol d'une femme dans son sommeil en octobre 2021 dans une chambre d'hôtel parisienne. Un mandat d'arrêt émis à l'encontre de l'islamologue Tariq Ramadan. Il ne s'est pas présenté devant la justice française depuis le début de son procès pour viol et sera donc jugé par défaut et à huis clos. Décision hier de la cour criminelle de Paris. Tariq Ramadan devait comparaître pour les viols sur 3 femmes entre 2009 et 2016. Il encourt 20 ans de prison. Plus d'informations dans le journal de 7h30. Le gouvernement reste pleinement mobilisés pour poursuivre la réduction du déficit et de la dette. Les mots hier soir du ministre de l'économie Roland Lescure après cette annonce. L'agence de notation Fitch maintient la bonne note de la France à plus et parle de perspectives stables malgré une croissance faible. La dette s'établit aujourd'hui à plus de 3 000 milliards d'euros. Après les Jeux Olympiques d'hiver, les Jeux Paralympiques sont officiellement ouverts. Lancés par le président italien Sergio Mattarella lors de la cérémonie d'ouverture hier dans les arènes de Vérone. Une cérémonie sous tension alors que les athlètes russes et biélorusses ont été hués par une partie du public. Les Jeux commencent aujourd'hui avec du paraski alpin, c'est à 9h30. Et puis du foot avec cette défaite du Paris Saint-Germain hier soir en Ligue 1 face à Monaco. Les Parisiens se sont inclinés 3 buts à 1, 5 jours avant de retrouver la Ligue des Champions. Une quatrième défaite en championnat, la première à domicile. Alors forcément c'est inquiétant, Nicolas Perronnet. Le public du Parc des Princes a beau être gâté et indulgent, quelques sifflets accompagnent en fin de match la sortie des joueurs. Pas une bronca, mais clairement un signe d'inquiétude. Après cette gifle reçue à l'un des pires moments de la saison, le défenseur parisien Nuno Mendes reconnaît qu'elle secoue un peu. On n'était pas à notre niveau, on n'a pas fait ce qu'on fait normalement. Il faut travailler, il faut se reposer aussi pour arriver mercredi bien. Mercredi, le rendez-vous Ligue des Champions face à Chelsea. L'un des virages importants de la saison que le PSG aborde donc en dérapage pas vraiment contrôlé. Pas loin de la crise de confiance, constate l'entraîneur Luis Enrique. Ce n'est pas le meilleur résultat pour arriver à la Champions League. Nous sommes conscients de ça. C'est clair que la confiance, ce n'est pas une chose que tu achètes à monoprix. On est clairement en difficulté, mais il faut avoir de l'espérance de changer ça et c'est ce que j'y pense pour les prochains matchs. Avant de penser à un nouveau printemps européen, le Paris Saint-Germain va donc devoir déjà passer l'hiver. Et encore plus, depuis hier soir, le doute est permis. Les champions d'Europe en titre restent en tête de Ligue 1, mais à 4 points seulement de Lens. C'était le journal de Paola Guzzo. À suivre dans la prochaine demi-heure, les amours de Sapiens et Néandertal dans la chronique La Planète des Sciences. À 6h45, ça sera la revue de presse. Et puis bonjour, veaux, vaches, cochons, couvées. Ils sont tous dans la chronique Regards croisés. Ce samedi, Marguerite est dans la balade. Et moi, je préfère les filles, les femmes et meufs. 17h, Vincent Josse. La Starac est derrière elle. Elle sort bientôt un premier disque et elle vous invite à mieux la connaître. La balade. Tous les samedis sur France Inter à 17h. Toyota. Toi aussi, franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de 3 rues. Coincé dans les bouchons? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota EcoCross. 100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota Ego Cross est à partir de seulement 169 euros par mois, entretien inclus. Toyota. Toyota Ego Cross Dynamic LLD 37-30 000 km. Premier loyer 3 990 euros réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 31 mars dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer. Allez, c'est parti pour la galère de la facturation. Chez qui a des entreprises qui s'embêtent pas avec la TVA? Mais nous, on n'est pas comme ça. Hé, hey, chef, avec la facturation électronique, on jouera tous avec les mêmes règles et ce sera plus dur de frauder. Ouais. Fini les galères. Les entreprises passent à la facturation électronique au plus tard le 1er septembre. Renseignez-vous sur impots.gouv.fr. Plus juste, plus simple, plus efficace. Avec la facturation électronique, nous changeons d'air. Ceci est un message du gouvernement. 6h38, avant d'expliquer cet affreux bruit que font les chaussures de sport sur les parquets, place à la beauté et la chanteuse française Emma Peters. Elle nous parle d'amour et de rupture avec son titre « Le temps passe ». Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace. Je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mes potes me disent de tourner la page et d'avancer. Mais quand le film est beau, je veux encore le regarder. Chant contre chant, j'oublierai tout notre premier feeling. Ça floutera les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu brisée et toi, t'es un peu triste. Tout va se réparer, j'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. Le temps passe par Emma Peters. Comme le temps passe, il est 6h42. Le 6-9. Marion Lourd. France Inter. Et c'est le bonheur de retrouver la planète des sciences avec vous, Daniel Fievé. Bonjour Daniel. Bonjour Marion. On commence avec une histoire de sexe entre sapiens et Néandertal. Oui, on sait que nos ancêtres Homo sapiens et nos lointains cousins néandertaliens se sont accouplés. La présence de gènes néandertaliens sur les chromosomes des humains actuels hors de l'Afrique en atteste. Mais les chercheurs ont remarqué que l'ADN néandertalien était absent de nos chromosomes sexuels X. Jusqu'à présent, on pensait que la combinaison mutation de ces deux ADN sur ce chromosome était délétère et éliminatoire du point de vue de la sélection naturelle. Mais après avoir analysé le génome d'hommes de Néandertal, des paléogénéticiens affirment que cette hypothèse ne tient pas. Alors, comment expliquer cette absence de gènes néandertaliens sur les chromosomes X des humains actuels? Selon ces chercheurs, l'hypothèse la plus simple et donc la plus probable est que dans les couples qui ont donné lieu à ces métissages, la plupart du temps, l'homme était néandertalien et la femme était une sapiens. L'inverse se serait produit beaucoup plus rarement. Cela ne signifie pas forcément que les hommes de Néandertal étaient jugés attirants par les femmes sapiens ou l'inverse. On ne sait d'ailleurs pas si ces relations sexuelles ont eu lieu sous la contrainte ou de façon consentie. Selon les chercheurs, l'explication de cette dissymétrie dans les accouplements pourrait être liée à l'organisation sociale. Par exemple, les hommes quittaient peut-être plus facilement leur communauté, tandis que les femmes restaient au sein de leur clan. Alors, tout autre sujet, on sait désormais expliquer cet horrible grincement des baskets sur les parquets des gymnases. Oui, tout le monde connaît ce couinement aigu que produisent les semelles des chaussures de sport en frottant sur les parquets. Eh bien, figurez-vous que ce son était une énigme pour les physiciens. Le crissement généré par le frottement d'un matériau souple sur une surface dure restait assez mal compris. Pour élucider ce mystère, des physiciens ont frotté la semelle d'une basket sur une plaque en verre. Horrible. Tout en filmant avec une caméra ultra rapide permettant de capturer 1 million d'images par seconde. Et alors, ces images obtenues, elles ont permis de lever le mystère ? Oui, les images associées à des analyses acoustiques ont révélé que lors du frottement de la chaussure contre la plaque au niveau de la semelle en caoutchouc, des milliers de minuscules vaguelettes se forment chaque seconde. Ce sont ces vaguelettes se propageant par salve à une vitesse proche de celle du son qui génèrent le fameux crissement aigu. Les physiciens ont découvert que la note produite dépendait de l'épaisseur du caoutchouc et de sa composition, ce qui leur a permis de jouer un morceau de musique en frottant sur une plaque des carrés de caoutchouc de différentes épaisseurs. Attention, blind test. Alors vous avez peut-être reconnu la marche de l'empereur de Star Wars. Bien sûr. Bien sûr. Cette étude qui pourrait sembler saugrenue vient de faire la couverture de la très réputée revue Nature. Elle pourrait à l'avenir aider les sismologues à mieux comprendre les frottements au niveau des failles géologiques. Allez, on termine avec la découverte d'un dinosaure qui ne manque pas de piquant. Oui, les chercheurs l'ont baptisé Aolong Donji. Ce dinosaure qui vivait il y a 125 millions d'années a été mis au jour au nord-est de la Chine. Il appartient au groupe des iguanodons, mais il présente une caractéristique qui le rend unique. Il était recouvert de petits piquants rigides. Ce type d'appendice n'avait encore jamais été décrit chez aucun autre dinosaure. Aolong Donji était un herbivore. Ses piquants lui permettaient sûrement de tenir ses prédateurs carnivores à distance, comme le font les porcs-épics aujourd'hui. Mais les paléontologues pensent que ces appendices auraient également pu jouer un rôle dans la thermorégulation ou la perception sensorielle de l'animal. Le spécimen mis au jour est un juvénile. Il reste à déterminer si les adultes arboraient aussi ces piquants ou s'ils les perdaient en grandissant. Le monde des dinosaures n'a pas fini de nous surprendre. Et votre chronique ne manque pas de piquants non plus. Et voilà, c'était la planète des sciences. Merci Daniel Piévet. Le 6-9 sur France Inter. Il est 6h46, l'heure de retrouver Sophie Parmentier. Bonjour Sophie. Bonjour Marion, bonjour à tous. Et dans votre œil, c'est l'heure de la première revue de presse et de passer en revue les gros titres des journaux ce matin. Le Liban replonge dans le cauchemar de la guerre. C'est le titre du Figaro qui publie en couverture l'image d'immeubles qui partent en fumée. Dans une frappe, l'offensive d'Israël plonge le Liban dans le chaos. Titre Le Monde à sa une. Quand Libération propose un reportage exclusif en Iran, la vie sous les bombes entre résistance et répression. Libé, qui consacre aussi sa couverture à une enquête approfondie sur l'itinéraire d'un masculiniste radicalisé, membre de la mouvance des célibataires involontaires, mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes il y a quelques mois, alors qu'il est menacé de s'attaquer à de jeunes camarades féministes de son lycée stéphanois, où il était élève, un élève brillant en classe préparatoire scientifique. scientifique. Le Parisien aujourd'hui en France, de son côté, fait sa une sur les municipales à Paris, avec ce titre « Suspense total ». À la une du journal La Montagne, la sécurité au cœur de la campagne. À la une de Ouest France, cette question « Comment libérer l'épargne pour relancer l'économie ?» Et puis, pas de blague, c'est le gros titre de L'Équipe, à quelques heures du coup d'envoi du match qui opposera l'Écosse à la France, et du rugby évidemment, tournoi destination. Une victoire offrirait d'ores et déjà le tournoi aux Bleus et l'espoir d'un grand chelem face à l'Angleterre, précise le journal sportif, dont vous trouverez aussi le supplément en kiosque. L'Équipe fête ses 80 ans. Ben voilà des bonnes nouvelles. Bon anniversaire à l'Équipe. Et sinon, vous avez savouré, Sophie, un article du Monde ce matin. Oui, dans M, le magazine du Monde, un article signé Guillemette Faure, qui chaque semaine met en lumière les transformations invisibles de notre époque. Son écriture est toujours savoureuse, et ce matin tout particulièrement, car elle nous parle de truffes. Longtemps, la plupart de ceux qui n'aimaient pas la truffe n'ont pas osé le dire, et pas seulement parce que n'en ayant jamais goûté, ils ne le savaient pas eux-mêmes. Quelque chose de si rare, de si cher, il aura fallu qu'on commence à en mettre partout pour qu'ils osent se plaindre. Alors on trouve désormais du brie fourré saveur truffe chez Lidl, de la mayonnaise à la truffe chez Monoprix, des gougères à la truffe blanche chez Leclerc. Il n'y a que la truffe qui ne soit pas à la truffe, puisque l'invasion est surtout celle de la saveur truffe, voire pire, de l'aromatisé à la truffe. J'ai peur qu'on ait bientôt du shampoing à la truffe. Après tout, c'est déjà arrivé avec l'avocat, ironise Guillemette Faure, dans une colonne lue et entendue. Alors on pourrait juger ce boom de la truffe anachronique, ajoute-t-elle, alors qu'un sondage sur les Français et leur pouvoir d'achat publié en janvier indiquait que 77% d'entre eux déclaraient devoir se serrer la ceinture. Eh bien, au contraire, cet ingrédient permet de mettre un peu d'opulence dans le déclassement. On ne pourra pas devenir propriétaire, on ne s'achètera pas de voiture neuve, mais on peut encore s'offrir des chips à la truffe, pas plus cher que celle au barbecue, notre Guillemette Faure. Voilà, c'est peut-être un peu tôt quand même pour goûter de la truffe. Il n'y a pas d'heure pour la truffe. Il n'y a pas d'heure. Merci Sophie Parmentier. À tout à l'heure, 9h moins le quart. Pour votre revue de presse XXL, 6h49 sur France Inter. Un sanctuaire pour cochons, dindons, chèvres et vaches. Dans Regard Croisé ce week-end, nous visitons le refuge Groingroing. Bonjour Laetitia Bernard. Bonjour Marion, bonjour à tous. Ce refuge fondé il y a 20 ans, il se situe dans la Sarthe, sur une douzaine d'hectares où cohabitent une centaine d'animaux dits de ferme, rescapés de la maltraitance, de l'abandon, de l'élevage ou des abattoirs. Une équipe de salariés et de bénévoles en prennent soin au quotidien et sensibilise le public au respect des animaux avec des journées portes ouvertes, des visites pour les scolaires. On peut aussi parrainer un animal. Et c'est la cofondatrice du lieu, Caroline Dubois, qui m'a guidée pour cette visite, puisque vous savez que je suis non-voyante. Et avant de vous présenter les animaux, elle répond à votre traditionnelle première question. Caroline Dubois, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous ressemblez physiquement, s'il vous plaît ? Alors oui, bien sûr. Je fais 1m76, j'ai une vingtaine de kilos trop, j'ai des cheveux qui commencent à grisonner sur le devant, voire qui sont tout blancs, je porte des lunettes et actuellement je porte des bottes à cause de la boue que l'on va rencontrer. Est-ce que vous pourriez me présenter certains animaux qui vivent ici ? Ils ont tous un prénom, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, on considère au refuge chaque animal comme une personne, comme un individu à part entière. Comme vous, vous allez nommer votre chat ou votre chien. Eh bien, nous, on nomme nos cochons et nos dindons. Donc, je vais vous présenter. Nous allons aller voir Bounty le dindon pour commencer cette visite. Là, il y a des tapis, parce qu'en fait, il y a du sol stabilisé en dessous avec des petits cailloux. Et nos poulets, ils ont des pododermatites, ils ont les pieds abîmés du fait de leur sélection génétique. Ils font comme des escarres sous les pieds. Et donc, on a mis des tapis en caoutchouc, comme ça, vous pouvez sentir que c'est plus confortable. C'est des poulets que vous avez sauvés ? Oui, ce sont des poulets qui sortent d'élevage industriel. C'est des poulets blancs qui sont utilisés dans l'industrie pour les nuggets. Et qui sont élevés dans des grands bâtiments tous ensemble, en grosse, grosse concentration au sol. Et comment vous les avez sauvés ? Alors, ils ont été trouvés à proximité d'un élevage industriel. Et c'est des particuliers qui les ont récupérés et qui nous les ont amenés au refuge. D'accord. Voilà. C'est qui discute là ? C'est Bounty le dindon. C'est Bounty qui nous parle. Et Bounty, c'est quoi son histoire? On a eu plusieurs dindons au refuge qui sont arrivés parce qu'ils sont tombés des camions de transport qui les emmenaient à l'abattoir et des gens les ont récupérés sur la route et nous les ont ramenés. Mais lui, il est arrivé parce que pareil, il était en liberté à proximité d'un élevage industriel. On pense que, vous savez, au ramassage, quand ils font les ramassages la nuit, il a dû s'échapper du ramassage et errer par là. Et c'est comme ça que les gens nous l'ont ramené. Et il a maintenant 8 ans. Voilà, il aime bien se faire dorer la pilule au soleil. Donc, il écarte ses plumes pour profiter des rayons du soleil. Et puis, maintenant, c'est un dindon vieillissant. Donc, il a des problèmes articulaires, comme tous ces oiseaux qui sont sélectionnés génétiquement pour faire de la viande, pas pour avoir une bonne santé. Il est trop gros sur ses pieds, ça fait trop de poids. Donc les pieds des dindons et les pieds des poulets qu'on récupère des élevages intensifs, on est obligé d'y faire attention, de faire des soins spécifiques, parce que si on le faisait pas, ce serait un foyer d'infection. Donc on fait des bains, on met des pansements, et elles ont des petites chaussures. On peut aller voir des cochons aussi, je crois qu'il y a beaucoup de cochons, oui, surtout ici. On va aller voir les cochons qui vivent pas dans le même enclos que les poules. Donc voilà, on prend à droite. Ça, c'est Copain. Copain, c'est un bébé qui vient d'arriver. Cochon de ferme. Et donc, devant nous, nous sommes dans l'enclos de Gertrude. Il y a ensuite une barrière, parce qu'elle est couchée le long d'une barrière. Et derrière la barrière, il y a Copain, qui est un bébé cochon de ferme et qui est en pleine croissance et en plein mode exploratoire, parce que vraiment ils sont très très curieux, les cochons, et particulièrement quand ils sont bébés. Et Gertrude a une particularité, c'est qu'en fait on l'appelle Mamie Gertrude parce qu'en fait elle râle très souvent. Ils ont la même voix, les cochons, ou si on y fait attention, on les reconnaît? Si on y fait attention, on les reconnaît. Vous voyez ça, ce petit son qu'on entend là, c'est « tu me fais suer ». Et que franchement, bon, ça va 5 minutes. Regard croisé, merci Laetitia Bernard. On poursuit cette rencontre demain dans le deuxième épisode de Regard croisé au refuge Groin-Groin. Allez, on passe de la campagne à la ville. Le chanteur-rappeur d'origine marocaine Ino Casablanca nous raconte la vie de quartier colorée et festive du 20e arrondissement de Paris. C'est Bissap du 20e. Fato. Je traînais en bas chaque dia. Je cherchais juste à vivre. Plein de bitches, des ragots. Tiens, l'époque de Wicaco. J'étais déjà plus nia. Je cherchais juste à vivre. Plein de bitches, des ragots. À chaque rue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le caddie. J'avais le seum contre tous les chéris. Tous les chéris. Dia après dia. Ils se plaignent de la haine qu'ils s'aiment. Ils ne veulent pas qu'on s'aime, qu'ils crèvent. Tomber l'œuvre autour d'un bicep. Non, je leur en veux à mort. Ils veulent pas dans ma gueule avoir tort. Oh oui, ma vie. Un gueule de bête de biche, son cœur est tendre, triste, non. Sur ma gueule, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'ai pas que t'elle dit. Que j'ai fait de la sorcellerie. Mais non, non, non, non, non. Sur ma gueule, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'ai pas que t'es dit. Que je me venge sur la vie. Dia après dia da. Hey, quitte à mettre la mifado. Je traînais en bas chaque dia. Je cherchais juste à vivre. Loin des bitches, des ragots. Tiens, l'époque de Wicaco. J'étais déjà plus nia. Cherchais juste à vivre. Loin des bitches, des ragots. À chaque rue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le après Diada. Du 20e Dino Casablanca en concert à Saint-Brieuc le 24 mai prochain ainsi qu'au festival Sody Days le 26 juin à Paris. Vous pouvez aussi écouter, réécouter sur le site de France Inter son interview dans l'émission Tapage de Camille Diao. C'était en octobre dernier. La météo à suivre. Vous l'avez entendu aux infos, vous le constatez à la pompe. Le prix du carburant repart à la hausse. Ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle, mais c'est une bonne raison pour passer à la voiture électrique et ne plus être dépendant des prix du pétrole. Pendant les portes ouvertes du 12 au 16 mars, découvrez la gamme Renault E-Tech électrique assemblée en France et profitez de 2 mois de loyer offert. Renault, leader de l'électrique en France. Troisième et quatrième loyer offert, SIA Cordiac. Offre à particulier sur véhicules particuliers du 12 au 16 mars. Condition Renault.fr. Numéro 1 des ventes en 2025, source 3 à data janvier 2026. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 6h58. La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature. Par tous les temps. À découvrir sur utopia.com. Magali Rochereau, c'est une goutte froide qui provoque des pluies dans le sud. Et oui Marion, Météo France attend des cumuls entre 15 et 60 mm autour de la Méditerranée, du golfe du Lion aux Cévennes et jusqu'aux plaines de l'Hérault. Alors qu'ailleurs, le ciel reste surtout voilé et même terni sur l'ensemble du pays par ces remontées de sable venues du Sahara qui lui donnent un aspect blanchâtre, parfois ocre. En Normandie, dans les Hauts-de-France et le Grand Est, les quelques brouillards du lever du jour vont se dissiper en cours de matinée. Près des frontières du Nord-Est, le voile nuageux s'affine pour laisser passer un peu de lumière, mais côté sud-ouest, les grisailles persistent. Et au thermomètre, vous nous le dites, hein, la douceur se confirme aujourd'hui. Et oui, vous avez 5 à 8 degrés au nord du pays pour votre réveil, autour de 10 dans la capitale et entre 9 et 12 au sud. C'est 4 à 6 degrés au-dessus des normales ce matin. Cet après-midi, les maximales grimpent entre 17 et 20 sur la plupart des régions. Un petit peu moins sur la pointe bretonne où le mercure ne dépasse pas 14 degrés à Brest. Et côté ciel, une grande partie du pays reste souvent voilée. L'instabilité gagne le sud-ouest sous les averses parfois orageuses des Pyrénées à l'Aquitaine et qui vont remonter vers le nord jusqu'à l'intérieur de la Bretagne. Et pour demain, vous avez déjà une idée de ce qui nous attend. Le début de semaine reste très humide, ça va être perturbé. Merci Magali Rochereau, merci à vous de vous réveiller à l'écoute de France Inter. Il est 7h. Le journal de Corinne Audouin. Bonjour Corinne. Bonjour Marion. À la une ce matin, une nouvelle nuit de chaos au Moyen-Orient. Des frappes israéliennes intensives sur Téhéran, des attaques de missiles iraniens sur Israël, des explosions dans le Golfe. Le conflit s'installe dans la durée et s'étend à toute la région. Aux États-Unis, on s'interroge sur le rôle de la Russie alliée de l'Iran. Nous serons à Washington. Dans l'actualité aussi, la France garde son A+. L'agence de notation Fitch conserve sa confiance en l'économie française. Les négociations commerciales entre industriels et grandes distributions sont terminées. Quelles conséquences sur les prix au supermarché? On vous explique dans ce journal. Et puis direction les Jeux Paralympiques de Milan. On commence avec du parabiathlon aujourd'hui. Les invités de France Inter ce matin à 7h50, à 8 jours des municipales, nous serons avec Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, candidat à sa réélection. Et à 8h20, grand entretien spécial Liban avec deux autrices de deux livres de correspondance avec ce pays marqué par les guerres au Proche et Moyen-Orient. Alexandra Schwarzbrod qui co-signe avec le photographe Fouad El Khoury les pains de Reshmaïa aux éditions Artaud et la dessinatrice de BD Michèle Stanjowski, autrice avec Charles Berberian de la BD. Et toi, comment ça va ? France Inter. Pas de trêve dans l'escalade de la violence au Moyen-Orient, à Dubaï et Bahreïn. On s'est réveillé au son des explosions et des alertes. Israël a de nouveau bombardé cette nuit la capitale iranienne Téhéran. Les États-Unis avancent le chiffre de 3000 cibles frappées en une semaine de guerre. Et l'Iran réplique en visant les bases militaires américaines. D'après la presse des États-Unis, Franck Madvon, la Russie est à la manœuvre pour aider son allié iranien. Des experts militaires ont relevé la précision de certaines frappes iraniennes depuis le début de la guerre. Des infrastructures, des radars américains ont été pris pour cible, des défenses antiaériennes ont pu être contournées. Bilan, 6 soldats américains tués au Koweït et des dégâts significatifs. D'après plusieurs médias, la Russie a pu jouer un rôle dans ces attaques. Des officiels américains affirment que Moscou aide l'Iran à localiser des cibles. Les satellites russes sont bien plus nombreux et sophistiqués que ceux de Téhéran et le pays a aussi tiré profit de 4 ans de guerre en Ukraine. Cette implication de la Russie répond justement au soutien de l'Iran en Ukraine, en particulier la fourniture de drones, une manière également pour Moscou de rendre la monnaie de sa pièce à Washington, qui apporte un soutien à Kiev. La Russie ne commente pas ces informations. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, lui, ne les dément pas. Il déclare sur CBS que les États-Unis savent qui parle à qui, que ce soit en public ou en coulisses, et ce qui ne devrait pas se produire sera contesté avec force. Washington, Franck Medvon, France Inter. Et puis dans le stratégique détroit d'Ormuz, bloqué par les Iraniens pour empêcher toute exportation de pétrole depuis les pays du Golfe, la marine américaine devrait escorter des navires marchands dès que possible, affirme la Maison-Blanche, des navires et leur escorte que l'Iran dit déjà vouloir attendre. Conséquence du conflit, les cours du pétrole s'envolent, plus 35% en une semaine. L'approvisionnement depuis les pays du Golfe est suspendu. Les bourses européennes ont terminé dans le rouge hier soir à la pompe en moyenne en France. Il faut compter 10 centimes d'euros de plus par litre de sans-plomb 95, 26 centimes pour le gazole. Et dans ce contexte, la France garde son A+, la note qui évalue la capacité du pays à rembourser sa dette. L'agence de notation Fitch souligne la solidité de l'économie française. Malgré une dette publique élevée et un faible potentiel de croissance, elle maintient donc cette note A+, avec une perspective stable. Et combien allons-nous payer nos courses au supermarché ? Les discussions annuelles entre industriels, PME et grandes surfaces viennent de se terminer. Alors à quoi faut-il s'attendre ? Bonjour Luc Chemla. Bonjour. Il faudra plusieurs semaines pour avoir les chiffres exacts, produit par produit, mais on peut déjà observer quelques tendances. Oui, globalement, l'inflation sera contenue aux alentours d'1%, mais tout dépend ensuite des catégories de produits et des enseignes. Et évidemment, certains prix diminuent, d'autres augmentent. Du côté des bonnes nouvelles pour le consommateur, les prix seront moins élevés pour notamment les pâtes, le riz, les céréales, le sucre, la farine. Le café devrait lui connaître une baisse pouvant aller jusqu'à 5% dans la lignée des cours mondiaux. Diminution également pour certains produits d'hygiène comme les shampoings ou les lessives. Pour les moins bonnes nouvelles, il faut s'attendre à une augmentation pour le chocolat ou encore le bœuf à cause de la diminution du nombre de bovins dans le cheptel français, ce qui fait baisser la production. Les changements de prix vont s'appliquer au fur et à mesure des semaines. Et pour autant, Luc, malgré ces négociations, les prix ne sont pas gravés dans le marbre. Oui, car il y a des clauses de renégociation sur plusieurs produits. Yves Puget donne un exemple. Il dirige la rédaction du magazine Elessa, spécialisé dans la consommation. Sur le chocolat, vous avez une négociation par an pour ce qu'on appelle le fond de rayon, par exemple la tablette de chocolat. Là, c'était le 1er mars. Mais par exemple, pour les chocolats de Pâques ou les chocolats de Noël, il y a une autre négociation parce que là, ce sont des produits saisonniers. Toujours sur le chocolat, il faut aussi s'attendre à trouver moins de références de certaines marques dans des grandes surfaces, voire aucune. Intermarché annonce par exemple avoir déréférencé deux industriels, faute d'accord sur les prix. Merci Luc Chemla du service économie et sociale de France Inter. Le rappeur marseillais Naps, remis en liberté en attendant son procès en appel. Condamné à 7 ans de prison pour viol par la Cour criminelle de Paris, il est placé sous contrôle judiciaire en attendant un nouveau procès donc aux assises. Il faut sauver les herbiers marins. C'est l'alerte lancée par la Fondation de la Mer. Ces prairies sous-marines où poussent des fleurs aquatiques sont en effet menacées. En un peu plus d'un siècle, un tiers des herbiers marins de nos océans ont disparu. Et ils sont essentiels au bon fonctionnement des océans. Ils abritent en effet des dizaines d'espèces. Les explications de Paul Tillier. On les appelle les prairies bleues, où coexistent poissons, coquillages, tortues et plancton. Mais toutes les 30 minutes, l'équivalent d'un terrain de foot d'herbiers marins disparaît. Anaïs Massé est océanographe à la Fondation de la Mer. Les menaces quand même, c'est la dégradation de la qualité des eaux côtières, la destruction via l'ancrage des bateaux qui arrache les plans d'herbier de Posidonie, l'urbanisation côtière et surtout le changement climatique aussi. Ces écosystèmes sont pourtant indispensables aux océans. Ils ont plusieurs rôles. Ils participent notamment à la séquestration du carbone, ils protègent les littoraux contre l'érosion côtière, ils abritent également une forte biodiversité, ils jouent un rôle de nursery pour de nombreuses espèces, donc il y a vraiment une importance de protéger ces habitats. Ils réduisent aussi la houle, très important en cas de tempête. Depuis 4 ans, la Fondation de la Mer a lancé un programme de sauvegarde. On a des actions de restauration de ces herbiers en collectant des fragments qui se sont détachés naturellement, soit via l'ancrage ou via les tempêtes. Et le but, c'est d'aller replanter ces fragments sur des sites dégradés. Et la France a un rôle à jouer dans leur protection, insiste la Fondation de la Mer. Les herbiers marins français s'étendent sur plus de 2000 km², principalement au large des côtes des territoires d'outre-mer comme la Nouvelle-Calédonie. Et Paul Tillier, en sport, mauvaise soirée pour le PSG, leader de la Ligue 1, sévèrement battu à domicile 3-1 par Monaco. Et puis l'actualité sportive du jour, c'est évidemment les Jeux paralympiques de Milan-Cortina. Après une cérémonie d'ouverture hier soir marquée par le retour des athlètes russes, avec hymne des drapeaux et huée par une partie du public, c'est le début aujourd'hui pour la délégation française des choses sérieuses, descente en ski alpin ce matin et les premières épreuves de biathlon à la mi-journée à Tessero. Il existe 3 catégories de handicap, assis, debout et déficient visuel. On suivra notamment Anthony Chalençon, non-voyant. Il participe à ses 4e Jeux paralympiques. Clara Lecoq-Réal l'a rencontré hier soir à la sortie de son dernier entraînement. Anthony Chalençon a la plaisanterie facile en dehors de la piste, mais il a une capacité d'attention impressionnante quand il skie 2 mètres derrière son guide. Je suis guidé par le bit de sa voix. Tout droit, là, là, donc il a un droit, petit haut-parleur dans le dos, ce qui fait qu'il va parler tout le temps. Droit, là, là, par contre, c'est vrai que des fois, quand on croise d'autres athlètes avec un haut-parleur, on est des fois aussi un peu attiré par les sons à côté. Donc c'est là où le guide doit être vigilant pour qu'il n'y ait pas de collision avec les autres. Le guide, c'est Florian Michelon qui anticipe toutes les trajectoires jusqu'à mener son parabiathlète sur le pas de tir. Vigilant, il y a du monde, temporise. Une carabine laser est posée au sol, la cible est à 10 mètres. C'est un système sonore, donc il y a un casque audio qui est posé sur la carabine que je mets sur les oreilles. Et au début, le son est en fréquence et plus je vais me rapprocher de la cible et plus la fréquence va se rapprocher, donc ça va faire tout, tout, tout, tout. Le son devient continu, je suis autour de la cible et là après c'est à moi de chercher un son qui devient de plus en plus aigu. Plus je me rapproche du centre, c'est là où je vais pouvoir lâcher ma balle, même si c'est pas une balle, c'est du laser. En moins d'une minute, les 5 cibles sont atteintes. Anthony Chalençon visera l'or en individuel. Clara Lecoq-Réal et Anthony Chalençon s'élancera à 13h50 pour l'épreuve du sprint. C'était le journal de Corinne Audouin. Il est 7h09 sur France Inter. Un oiseau ce matin dans le bol de nature, le vautour, aujourd'hui protégé car indispensable. Constant Bagnolini, ancien du fonds d'intervention pour les rapaces, nous emmène au bord du Causse Méjean, immense plateau calcaire situé au cœur de la Lozère, là où fut réintroduit le premier vautour fauve en France. Et il est aux côtés de Denis Chessou. On est carrément sur le perchoir, la coupe de vautour moine. Tu as le nid qui est pas très loin. Ouais. Si tu te penches un peu là au-dessus de la falaise. Non, je me penche pas. Tu peux voir ce nid. Alors le vautour moine. Non, on le voit. Là. Hein, on le voit. Ça fait une plateforme au sommet d'un arbre puisque le vautour moine nid dans un arbre. Alors ici a eu lieu la réintroduction qui a commencé par aller lâcher le 15 décembre 81 des vautours fauves, grâce aux initiateurs que sont Michel Terrasse et qu'était Michel Brosselin. Ce sont eux les pionniers qui ont eu l'idée de la réintroduction des vautours. Donc réintroduction des vautours unique au monde. On ne savait pas comment faire. Ce n'était pas une première française, c'était une première mondiale. C'était une première mondiale, donc il n'y avait pas de référent. Tout ça, c'était vraiment artisanal. Hein. C'était que du bénévolat. Les premières personnes qui se sont occupées de ça, ils sont allés chercher des vautours fauves. Donc en Espagne, des jeunes malades blessés d'une nutrie qu'ils ont mis en captivité. Ah oui, ou alors on avait refilé un peu des gueules cassées. Quoi, on avait fini. Ah bon, oui, c'est un peu tous les éclopés espagnols et aussi des vautours nés en captivité. Donc c'est une opération d'introduction qui a réussi à force de tâtonnements, puisque en 1974, ils ont commencé le premier lâcher. 5 oiseaux, des immatures, mais ça a été un échec. Et un échec crise d'enseignement, puisque ça a amené en 81. À partir de là, ils ont décidé de ne lâcher que des oiseaux adultes qui étaient accouplés, qui ont tenté ou réussi une reproduction en captivité. Alors aujourd'hui, 1700 couples. Aujourd'hui, 1700 couples, c'est un grand succès. Alors devant ce succès, hop, arrive en 92, la réintroduction du vautour moine. Alors celui-là, il nous intéresse, parce qu'en fait, il est beaucoup moins connu, le vautour moine. Je crois que c'est le plus grand, on va dire, voilier, un des plus grands voiliers d'Europe, non? C'est le plus grand rapace d'Europe avec le gypaète. Il fait dans les 2,90 m d'envergure. Il est plus lourd que le gypaète, il fait dans les 10 kilos. Et alors moine, parce qu'il a la couleur de la robe de bure et une petite tonsure au-dessus de la tête. Alors le moine, la particularité, c'est que c'est un oiseau qui se nourrit principalement ce qu'on appelle les chairs dures, contrairement au vautour fauve qui est spécialiste. Ah, regarde. Des chairs. Ah oui. Un vautour fauve qui passe au fond de la vallée. Alors, tu vois, il bat des ailes. Parce que là, il est quelle heure? Il est pas loin de 10 heures. Ouais. Donc il n'a pas encore les ascendants, les chauds. Voilà. Okay. Il n'a pas les ascendances thermiques, donc il bat des ailes. Donc il crame de l'énergie, là. Il crame de l'énergie, mais il sait où il va, hein, manifestement. Ouais, il va aller se poser quelque part. D'ici deux heures, ici, ce sera l'envol des vautours. Alors là, c'est un balai. Magnifique, magnifique. Moi, j'ai connu donc les gorges de la Jonde vides de vautours. Et maintenant, comme tu disais, il y a 1700 couples de vautours fauves. Le moine, il y a 26 couples. Donc, c'est beaucoup plus rare. Et le moine, la particularité, donc, c'est qu'il mange des chairs dures. Les tendons, les cartilages, les nerfs, la peau. Il est spécialiste, le vautour fauve, donc les chairs molles, les viscères, les muscles. Le gypaète barbu, lui, va s'occuper des os. Le quebrantahuesos, hein, des Espagnols, le casseur d'os. Donc lui, il s'occupe des os, il mange les os. Et il y a un autre petit vautour qui est revenu, lui, spontanément ici. Le percnoptère. Voilà, le percnoptère, et qui est revenu spontanément. Donc il y a deux couples dans la région. Et dans la région, on y sera demain dimanche. Découvrez-la dans l'émission CO2 Mon Amour à 13h20. Découvrez cette histoire de réintroduction des vautours dans la Drôme à Rémusat et en Lozère avec Denis Chessou. À suivre, le carrefour de la matinale. France Inter présente le podcast In Extremis, histoire de survie. Daniel Fievé. Repartons sur les traces d'hommes et de femmes qui ont trouvé la force de survivre in extremis. Ingrid Betancourt, retenue en otage plus de 6 ans dans la jungle, le légendaire retour du trappeur Hugh Glass, l'effroyable campagne de Russie de Napoléon, et Joe Simpson, un alpiniste revenu du fond du gouffre. In extremis, histoire de survie. 4 épisodes à télécharger sur l'application Radio France. Toyota. Toi aussi, franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de 3 rues. Coincé dans les bouchons? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota Ego Cross. 100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota Ego Cross est à partir de seulement 169 euros par mois, entretien inclus. Toyota Ego Cross Dynamic LLD 37-30 000 km, premier loyer 3 990 euros réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 31 mars dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Il est 7h14. Le 6-9. Sur France Inter. Du beau monde, des belles plumes autour de la table, c'est le carrefour des chroniqueurs culture. Laurent Delmas, Xavier Le Herpeur, Anna Sigalevitch, bonjour à tous les trois. Bonjour. Au cinéma, Laurent. Eh bien, après le vautour de Denis Chessou, je vais vous parler d'un condor. Dans la loi des séries, Xavier. Eh bien, moi, je vais vous parler déclaration d'impôt. Et ne fuyez pas, restez à l'écoute, parce que c'est une des meilleures séries de l'année. Oui, et on est sorti des oiseaux un peu. Hein. Et puis, Anna, de quoi sera-t-il question dans Classic & Co? Au programme, un festival avec 3 pièces au programme à Lyon. Et ça parle de beauté, mais on va commencer par le cinéma avec votre devinette du jour, Laurent. Oui, Marion, la devinette du matin demande d'une oreille attentive et un peu anglophone on écoute. Pour découvrir le film dont il est question dans cette bande-annonce en VO. Redford. I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary? I'm not here. Hoffman. Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember... Redford. Eh oui, c'était dès le premier mot, effectivement, c'est un extrait de la bande-annonce des Hommes du Président que vous connaissez bien. Il s'agit bien du film Les Hommes du Président, réalisé en 1976 par Alan J. Pakula, en écho à l'affaire du Watergate, avec dans les rôles principaux Dustin Hoffman et Robert Redford. Merci. L'un des films emblématiques de ce dernier qui nous a quittés l'an passé et à qui Jacques Demange vient de consacrer une remarquable étude intitulée L'Amérique de Robert Redford aux très pertinentes éditions Leitmotiv. L'auteur explicite ainsi sa démarche, je le cite. Robert Redford a longtemps incarné un idéal rassurant, celui d'une Amérique élégante et conquérante, confiante dans ses valeurs. Mais derrière le sourire blond et la clarté apparente du mythe se cache une œuvre marquée par le doute, la mélancolie et une conscience aiguë des fractures de l'histoire. Fin de citation. De fait, Redford, l'acteur, une cinquantaine de films, comme le réalisateur, 9 films, on l'oublie trop souvent, a très souvent accompagné et questionné les grands bouleversements politiques, sociaux et symboliques des États-Unis. Jacques Demange passe ainsi au crible les films majeurs de Redford dans cette optique très politique. Il revient, par exemple, sur l'impressionnant film de Sidney Lumet, Les Trois Jours du Condor. C'est d'après un livre qui s'appelle Les Six Jours du Condor. Hein, où, quand ça passe au cinéma, on est obligé de rester. Par deux, ben oui. C'est normal. Dans lequel Redford incarne un héros ordinaire, Joseph Turner, dit le Condor, pourchassé par la CIA, dont il faisait pourtant partie. Bonnet sur la tête et mal fagoté dès la première image du film, l'acteur casse volontairement son image de star pour s'effacer derrière le message politique du film. La cause semble trop forte, ou si l'on préfère trop juste, pour que l'acteur lui vole la vedette, écrit Jacques Demange. Et Redford n'abandonnera jamais, hein, Laurent, cette dimension politique. Oui, Marion, le livre le montre très bien, notamment à travers un court chapitre intitulé « Amérique, année zéro ». L'auteur évoque l'un des films réalisés par Redford, moins connu que d'autres, et qui s'intitule « Lions et agneaux ». Tourné en 2007, il pose un regard sans concession sur l'Amérique de l'après 11 septembre. Comme l'écrit avec beaucoup d'acuité Jacques Demange, ce film tisse le pernicieux face sa face entre les bourreaux, les lions du titre et les victimes, les agneaux, corollaires de l'événement, avec au milieu le fameux gouffre chimère, autrement dit l'omniprésence des médias et leurs illusions. En conclusion de ce livre passionnant apparaît une phrase que prononce Redford dans « Toujours les trois jours du Condor » et qui me semble parfaitement emblématique, je le cite. « Je sais bien que ce système est pourri et qu'il aura ma peau. Mais ce serait beau d'y croire quand même, non ? Ça s'applique à beaucoup de choses, non ? Eh, hein, je trouve aussi, oui, absolument, surtout en ce moment. Comme d'habitude, on se quitte en chanson, celle d'un autre film majeur de l'acteur Butch Cassidy et le Kid. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Merci Laurent Delmas, on rappelle... Faire chantonner, c'est oui. Réussi. Voilà, merci, personne n'a entendu, heureusement, ne trahissez pas mon secret. On rappelle les références, l'Amérique de Robert Redford par Jacques Demange aux éditions Leitmotiv et au programme dont on aura tout vu avec Christine Masson tout à l'heure. Eh bien, ce sera une carte blanche au cinéaste Nadav Lapide et ses films cultes de Pasolini à Kiarostami en passant par Léos Carax. À tout à l'heure après le flash de 10h. La loi des séries, c'est à vous Xavier Le Herpeur. Et votre premier conseil, Céleste, série espagnole en 6 épisodes. Elle est disponible sur arte.tv en VO et en VF. Oui, sur le site, ça n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je me permets de vous le préciser. Et cela va permettre au plus grand nombre de découvrir cette véritable pépite ibérique. Sarah est agent des impôts. Ça commence bien. Coiffure stricte, sinistre monture de lunettes, costume marron terne. Rien n'est véritablement sexy chez cette femme récemment veuve et s'apprêtant à prendre sa retraite auréolée d'une remarquable réputation. Mais au moment de raccrocher, Sarah décide de se lancer dans un ultime combat, faire tomber pour fraude fiscale Céleste, une star de la pop, rétive à l'idée de payer ses impôts en Espagne, sous le prétexte qu'elle n'y séjourne que rarement. Argument que va tenter de balayer notre héroïne. Karen Albarán. Je ne sais pas qui c'est. Céleste. La chanteuse mexicaine. Tu la connais ? Qui ne la connaît pas ? Elle ne déclare pas un seul centime d'euros en Espagne. Ça représente plus de 20 millions d'euros. Je veux que ce soit ta dernière inspection. C'est l'inspection dont on a toujours rêvé. Et ça rappelle un peu la réalité, Xavier, puisque cette mésaventure, elle est arrivée à Shakira. Absolument, et la saison 2 sera peut-être consacrée aux influenceurs de Dubaï. Ne jamais minimiser la pugnacité de ces fonctionnaires de l'ombre n'ayant que faire de votre célébrité. Alors je vous le concède, sur le papier, la série peut sembler un brin austère. C'est un véritable trompe-l'œil, car porté par une écriture en demi-teinte, un humour persifleur et émouvant, contredisant les sages apparences de cette histoire, pour narrer au final la rencontre de deux femmes solitaires rêvant de reprendre les rênes de leur existence. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir, et c'est le cas, une excellente série, personnages complexes, sens du coup de théâtre, suspense administratif. Je ne pensais pas dire cela un jour, mais ça n'est pas un oxymore. Et cerise sur le gâteau, l'interprétation magistrale de Carmine Machi, que l'on a vu récemment dans Las Messias, et qui campe une Sarah bouleversante en route vers une nouvelle vie. Elle a d'ailleurs été, comme la série, récompensée l'année dernière à Sériemania. Très mérité. Mais me voilà toute convaincue, moi qui suis une adepte du ministère de l'économie et de ses mystères. Vous adorez remplir les formulaires, voilà. Marion, tout le monde le sait. Autre série très attendue, Xavier, Young Sherlock sur Prime Video. Préquel des aventures du futur grand détective, le fin limier n'a ici que 17 ans, mais déjà un sens très aiguisé de la déduction et de la lecture des indices, talents innés qui vont s'avérer très utiles pour résoudre une série de meurtres survenus à l'université d'Oxford, où il croise la route de Moriarty. Sherlock. Sherlock. Sherlock. Sherlock. Sherlock. Sherlock Holmes, monsieur. Voilà un nom peu commun. J'ai obtenu une place à Oxford. Tu dois me faire une promesse. Promets d'éviter les ennuis à tout prix. Entendu. Vous l'avez dit, Marion, une série très attendue, très car attendue. Produite et réalisée pour les deux premiers épisodes par Guy Ritchie. IVO, autrefois valeur sûre mais fort discutable du cinéma britannique dans les années 90, pour mémoire Arnaque, Crime et Botanique ou encore Snatch, mais dont les deux Sherlock Holmes, je le reconnais, rien queer avec Robert Downey Jr., étaient de délicieux petits plaisirs coupables. Vous l'avez deviné avec l'ambiance sonore de la fin de la bande-annonce, la série est une version castagne, coup de savate, poursuite et explosion en répétition des aventures du héros de Conan Doyle, qui est ici un adolescent brillant et insolent. Une série graphique, trépidante, légère comme un champagne trop pétillant pour être un millésimé, mais délicieusement rafraîchissant. Oui, ben voilà de champagne, quoi, sweetie. Ouais, thank you. Céleste sur Arte.tv et Young Sherlock sur Prime Video. Voilà de quoi occuper notre week-end. Ce sont vos conseils, Xavier Le Harper. On va les suivre et à la semaine prochaine. Le 6-9 sur France Inter. C'est le moment de Classic & Co avec vous, Anna Sigalevitch. Et on part, vous le disiez ce matin, à Lyon pour le festival Parier sur la beauté qui aura lieu du 20 mars au 7 avril à l'Opéra de Lyon et au Théâtre National Populaire, le TNP de Villeurbanne. Oui, chaque année, au début du printemps, l'Opéra de Lyon organise un festival qui permet d'assister à plusieurs spectacles en quelques jours. Cette année, 3 œuvres au programme, 2 nouvelles productions et une reprise. Comme ça, vous me la rapporterez. Quand ? Quand elle sera fanée. La reprise dont on écoute un extrait, ce sera Traviata, vous méritez un avenir meilleur. Magnifique spectacle de théâtre musical conçu par le metteur en scène Benjamin Lazare, le musicien Florent Hubert et la comédienne chanteuse Judith Chemla. Alors, ce qui est beau et émouvant, c'est qu'on touche ici du doigt l'opéra de façon intime, avec beaucoup d'intelligence dans l'adaptation, parce que ce n'est pas du tout un opéra miniature qui nous est proposé, mais une exploration de la musique de Verdi, du livret de Piave et du texte de Dumas Fils, la dame aux camélias dont l'opéra est inspiré. Pendant 2 heures, on va d'idée en idée, avec au centre de tout Judith Chemla, qui incarne une Violetta exceptionnelle de délicatesse, d'intensité et de lyrisme. Traviata, vous méritez un avenir meilleur. C'est donc à voir ou à revoir au TNP de Villeurbanne du 22 au 29 mars. Et on passe aux nouvelles productions, Anna. Le directeur de l'Opéra de Lyon, Richard Brunel, va mettre en scène Billy Budd de Benjamin Britten. Billy Budd, inspiré de la nouvelle éponyme de Melville, met en scène le flashback du capitaine Véré pendant la guerre entre le Royaume-Uni et la France révolutionnaire de 1797. À bord de son navire, l'Indomptable, un jeune et beau marin, Billy Budd, malgré la sympathie que lui témoigne l'ensemble de l'équipage, suscite la jalousie du maître d'armes qu'il accuse à tort de fomenter une mutinerie. Tuant par accident son accusateur, Billy Budd se verra jugé en urgence, condamné est pendue. Et les thèmes de l'opéra, la justice, l'injustice, l'individu face à la société intéressent particulièrement Richard Brunel. Oui, et pour ce faire, il a imaginé un dispositif dans lequel le capitaine devra se justifier, l'histoire passée n'étant pas un simple flashback, mais une machine argumentative dans laquelle la responsabilité de chacun des personnages sera examinée et réévaluée. Et on parle maintenant du grand opéra qui ouvrira le festival Anna, Manon Lescaut de Puccini. Manon Lescaut s'inspire du roman de l'abbé Prévost, l'histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut, un texte qui met en scène les amours donc de Desgrieux et de Manon, une jeune femme très séduisante dont le chevalier Desgrieux tombe amoureux au premier regard. À l'acte 2, Manon, qui aime le confort et la belle vie, est entretenue par Géronte. Mais dans l'air, in quelle lettrine morbide, elle se remémore les jours heureux avec Desgrieux, l'homme qu'elle aime, comme un doux rêve de paix et d'amour. Pour la sicilienne Emma Dante, la metteuse en scène de cette production, Manon Lescaut raconte une chute. On y suit une femme avec toutes ses contradictions, son charme, mais aussi sa misère. Cet opéra la touche parce qu'il raconte l'univers d'une femme en musique, avec des personnages qui crient leurs émotions. Ce sont des fanatiques, des sentiments. C'est très italien, dit-elle, et ça lui plaît beaucoup. Le festival Parier sur la beauté avec au programme Traviata. Vous méritez un avenir meilleur. Billy Budd et Manon Lescaut, ce sera à l'Opéra de Lyon et au TNP du 20 mars au 7 avril. Merci Anna et merci à Antoine Larcher pour la réalisation. 7h28. La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature. Par tous les temps. À découvrir sur utopia.com. Magali Rochereau, des nuages et de la pluie dans le sud du pays. Et oui Marion, même si autour du Languedoc, les entrées maritimes sont moins actives que ces derniers jours, 30 à 50 mm de précipitations sont attendues sur les Cévennes et 10 à 20 en pleine vers l'ouest des Pyrénées. Au nord du pays, c'est plus calme, peu de vent et beaucoup de brouillard qui se dissipe lentement entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Il tombera peut-être quelques gouttes sous les nuages les plus épais. Côté ouest, le voile se densifie avec cette poussière désertique venue du Sahara. Et cet après-midi, le ciel s'éclaire sur l'île de France. Oui, Météo France alerte quand même en région parisienne sur un épisode de pollution dû au sable. Plus à l'ouest, quelques petits orages modérés éclatent. Au sud de la Nouvelle-Aquitaine et dans les Pyrénées-Orientales, comme entre le Nord-Poitou et la Touraine, les entrées maritimes, elles, se rétractent entre l'Hérault, le Gard et les Cévennes. Mais le ciel reste bien gris sur l'est de la Corse. Et puis au thermomètre, c'est doux toujours, entre 10 et 12 degrés sur le pays ce matin à votre réveil. Cet après-midi, les régions de l'ouest perdent quelques degrés, comptez 13 degrés à Saint-Brieuc et 14 à Biarritz comme à Brest. Mais vous êtes toujours 8 degrés au-dessus des normales à Paris et à Lyon avec 20, 6 au-dessus à Lille avec 16 degrés en ce samedi. La météo de Magali Rochereau. France Inter, il est 7h30. Le journal Paola Guzzo. Bonjour Paola. Bonjour. Dans une semaine, il faudra voter pour le premier tour des élections municipales. Nous allons dans quelques instants à Lille, où le successeur de Martine Aubry tente de peser sur l'élection. Et à 7h50, gros plan sur une autre ville à fort enjeu, celle de Lyon. Notre invité sera le maire écologiste sortant. Question à Grégory Doucet sur son programme, sur les violences politiques qui marquent la ville et l'alliance possible au deuxième tour avec la France insoumise. À la une de l'actualité également, l'islamologue Tariq Ramadan, recherché par la justice française. Il est accusé d'avoir violé 3 femmes, mais n'est pas venu à son procès en huis clos, ouvert depuis lundi. Et puis, cette étude qui nous apprend qu'en automne, les calanques de Marseille attirent une population bien différente qu'en été des dorades royales. France Inter. Direction Lille, à une semaine du premier tour des élections municipales. C'est le fief de Martine Aubry, figure historique du Parti Socialiste. Celui qui lui a succédé dans le fauteuil de maire, le socialiste Arnaud Deslandes, tente aujourd'hui donc de peser sur l'élection. Mais le challenge est de taille parce que la gauche est dispersée. Reportage à Lille de Claudia Bertram. Même si elle a laissé le fauteuil de maire à Arnaud Deslandes, Martine Aubry continue d'épauler son poulain jusque dans la dernière ligne droite de la campagne. Sur scène lors d'un débat sur les solidarités. Cette campagne, Arnaud, tu l'as voulu dans le respect des autres et en défendant les idées qui sont les nôtres. Après 24 ans de mandat de l'ancienne maire socialiste à Lille, devenue son fief, l'héritage est lourd à porter, mais elle assure que son successeur s'est installé dans le rôle. Aujourd'hui, la plupart des gens me disent « j'ai vu le maire ». Il y a 6 mois, il me disait « comment il s'appelle déjà votre successeur ?» Et pour cela, Arnaud Deslandes laboure le terrain et s'inscrit dans la droite ligne de Martine Aubry. On dit toujours, après Martine, c'est changement de style, mais pas changement de cap. Le socialiste est favori dans les sondages, mais en 2020, 227 voix seulement ont manqué à l'écologiste Stéphane Bally pour renverser Martine Aubry. Face à son successeur, le candidat des Verts compte jouer sa carte. C'est le compagnon de route de Martine Aubry pendant 4 mandats. Il est candidat à un 5e mandat. Cette ville, elle a besoin d'un nouveau souffle. Et devant le beffroi, certains Lillois hésitent encore. Soit je continue de faire confiance au maire actuel, mais j'aimerais bien qu'il sorte d'une vision surannée, probablement due à la personne qu'il a dû remplacer. Regarde un petit peu ce que fait Stéphane Bailly. Leur programme se ressemble énormément. C'est compliqué de voir les différences. À gauche, une troisième liste, celle de l'insoumise, Lawaria Hadouche. Face à un éparpillement des voix, la candidate macroniste Violette Spielboot veut tirer son épingle du jeu. Les jeux sont complètement ouverts. On est à 4 dans un mouchoir de poche. Il faut être le plus fort le soir du premier tour. L'héritier socialiste Arnaud Deslandes le sait et tend toujours la main à son concurrent écologiste. Claudia Bertram du service politique de France Inter. Dans le reste de l'actualité ce matin, la guerre qui se poursuit au Moyen-Orient. Ce matin, des explosions ont retenti au Bahreïn, mais aussi à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. Le ministre saoudien de la Défense appelle l'Iran à la sagesse, à éviter toute erreur d'appréciation. En parallèle, les tirs se poursuivent entre l'Iran et Israël, qui annonce 80 avions de chasse qui ont frappé ce matin Téhéran et le centre du pays, après avoir largement bombardé hier le sud du Liban, terre du Hezbollah. Une attaque largement soutenue par ses habitants que vous avez rencontrés à Gat Mahueh. Ils habitent Kiryat Shmona, ville israélienne à la frontière avec le Liban. Ce n'est pas du tout une ville fantôme, malgré la proximité de la guerre. Kiryat Shmona est animée. Ça va, dit Yaakov. Ce n'est pas comme quand le Hezbollah était juste de l'autre côté de la frontière. La milice chiite libanaise est affaiblie. Tous le disent ici. Les habitants se sentent moins menacés. Musique à fond devant l'épicerie, David trouve qu'il faut continuer le travail. Il salue l'incursion terrestre israélienne en cours au sud Liban. C'est nécessaire. Je ne sais pas si on peut se débarrasser du Hezbollah pour toujours, mais au moins qu'on ait la paix pour 10 ou 20 ans. Chez le coiffeur, à côté, 2 soldats patientent pour une coupe de cheveux. Les militaires sont nombreux. Ophir fait partie des 100 000 réservistes rappelés pour l'occasion. Il dit que tout ça peut durer quelques semaines ou beaucoup plus longtemps, personne ne sait. J'ai vu milliers de soldats. Johan, lui, observe depuis plusieurs jours. 50, 100 camions avec des tanks. Il est israélien, né d'une mère française. On va être tous contents que ça va se terminer parce que personne ne veut la guerre. On veut tout peace. La paix. Tout le monde ici veut la paix, dit-il, pressé de tourner la page du Hezbollah, comme tous les habitants de Kiryat Shmona. Agat Mahueh avec les moyens techniques de Jérémy Thuil et Alexandra Vardy. Et Tariq Ramadan en France est désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt. Sur ordre de la Cour criminelle départementale de Paris, à cause de l'absence de l'islamologue à son procès ouvert lundi, il est accusé d'avoir violé 3 femmes entre 2019 et 2016. Une absence injustifiée selon la Cour qui a donc décidé de le juger en son absence. Scandalisé, ses avocats ont quitté la salle, Mathilde Lemaire. Selon ses avocats, le prédicateur de 63 ans ne pouvait se présenter à son procès lundi. Il souffre de sclérose en plaques, subissait une poussée, avait été hospitalisé 2 jours avant à Genève. Pour eux, il fallait absolument renvoyer l'audience à une date ultérieure. La présidente de la Cour criminelle a préféré ordonner une expertise à 2 neurologues. Dans leur rapport rendu hier, les experts parlent de stabilité de la maladie. Aucun signe de poussée récente. Tariq Ramadan peut comparaître, conclut-il. L'avocat général a fustigé la dérobade, la lâcheté de l'islamologue qui a mis, je cite, le lac Léman entre la justice française et lui parce qu'il ne veut pas être jugé. La Cour a, elle, estimé que Tariq Ramadan n'avait aucune raison valable d'être absent. Son procès a donc finalement débuté en son absence. Ses 4 avocats ont dénoncé une parodie de justice, un mandat d'arrêt scandaleux. Ils ont quitté l'audience. En Suisse, où il a été condamné définitivement dans une autre affaire de viol, Tariq Ramadan doit purger une peine d'1 an de prison. Il ne devait le report de son incarcération qu'à la tenue de son procès en France. On verra ce que décide la justice suisse ces prochains jours. Notez qu'en plus de se dérouler sans l'accusé, ce procès se déroule à huis clos. Sur demande de l'une de ses 3 accusatrices, elle dit subir du harcèlement de la part des soutiens de Tariq Ramadan depuis le début de la procédure il y a 8 ans. 4 hommes condamnés cette nuit, 6 à 7 ans de prison pour avoir tenté de cambrioler la maison du champion de ski alpin, Alexis Pinturo. C'était en juillet 2023 et ils ont tous entre 22 et 25 ans et sont originaires de banlieues parisiennes. 200 000, c'est le nombre de places en crèche qu'il manque en France, selon l'Observatoire national de la petite enfance. Pour faire face à ce problème, le consortium Ici Enfance s'est lancé le défi de créer une centaine de crèches à but non lucratif et installer dans les quartiers les plus pauvres de France pour sociabiliser les enfants le plus tôt possible et faciliter l'insertion professionnelle des parents. Jeanne Mézia, vous êtes allée visiter la toute première qui vient d'ouvrir en Seine-Saint-Denis à Clichy-sous-Bois. Fatou, 2 ans, a des cerises dessinées sur tous ses vêtements. Elle va bientôt arriver, d'accord ? Ça tombe bien, la voilà. Je suis très contente d'avoir la crèche. Vraiment, je suis équilibrée maintenant. Je suis mère seule avec 4 enfants, c'était difficile. Cette solution de garde permet à Nafissa Tou de se dégager du temps pour trouver du travail. Pour aller au rendez-vous et préparer pour la formation, puisque j'ai envie de faire une formation. Nafissa Tou voudrait devenir assistante maternelle. Sa fille n'avait jamais été gardée par quelqu'un d'autre jusque-là. Comme beaucoup des enfants inscrits ici, explique Roxane Dugault, la directrice de la crèche Émile Zola. Les parents, ce qu'ils recherchent en première intention, c'est que leur enfant soit au contact d'autres enfants pour qu'ils acquièrent les codes sociaux et qu'arrivés à l'école, ils aient déjà cette habitude d'avoir des règles, de suivre un déroulé de journée, d'avoir d'autres adultes aussi qui puissent intervenir dans leur éducation. Ça, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. La lutte contre les inégalités passe aussi par le langage. On a des familles qui sont pas forcément francophones non plus. La crèche, c'est aussi le lieu où ils vont commencer à apprendre le français. Et on sait que le français, bah, ils vont le retrouver dans toutes les institutions qu'ils vont rencontrer dans leur parcours de vie. Donc c'est vrai qu'on a un rôle primordial. 11 autres projets comme cette crèche sont en cours à Montpellier, Romainville ou encore Orly. En Seine-Saint-Denis, par exemple, on compte moins de 4 places pour 10 enfants. Une étude de l'Ifremer paraît à présent qui nous raconte que les calanques de Marseille sont certes fréquentées l'été par les touristes, mais c'est aussi là-bas, en automne, que se reproduisent les dorades royales. Les chercheurs ont suivi les mouvements de ces poissons pendant 3 ans, Nina Richard. Les dorades royales quittent les lagunes du golfe du Lion toutes au même moment. Depuis les temps de tôt ou le 4, par exemple, elles nagent 2 à 300 km à la recherche du bon écosystème. Celui offert par les calanques de Marseille. Jérôme Bourgia, chercheur et responsable du projet ConnectMed. Cette espèce a besoin d'un écosystème plutôt type rocheux ou caillouteux pour se reproduire, parce qu'elle ne trouve pas ce qu'il lui faut en fait dans un terrain plutôt sableux vaseux comme nous on a dans le golfe du Lion. Les chercheurs ont suivi 200 dorades grâce à un système de télémétrie acoustique. C'est une petite balise qu'on met à l'intérieur du poisson et qui va émettre un son sous l'eau. Et ce son, il va être capté en fait par ce qu'on appelle des hydrophones ou des stations d'écoute qui pourra nous dire « Tiens, ce poisson qui a le numéro 428, est passé ce jour-là à cet endroit-là. » Ces nouvelles connaissances sur la reproduction questionnent la pêche que l'on fait de cette espèce. Une pêche estimée à 20 millions de chiffres d'affaires par an, souligne le scientifique. Si à ce moment-là, en fait, il y a une surexploitation ou s'il y a un impact trop important de l'homme sur cette phase critique, on risque d'impacter très fortement ce qui se passera les années suivantes. Alors la clé de la réussite, c'est une coordination entre les pêcheurs des calanques et ceux des lagunes. Même si des centaines de kilomètres les séparent, ils sont liés par cette ressource commune. Et puis en rugby, le 15 de France affronte l'Écosse aujourd'hui. 4e et avant-dernier match du tournoi des Six Nations. Les Bleus pourront compter sur le soutien de 15 000 supporters tricolores qui comptent faire le déplacement à Édimbourg. C'est à partir de 15h10. Retour sur ce match à venir dans le Journal des Sports à 8h10. C'était le journal de Paola Guzzo à suivre, l'un des aspirants successeurs de l'ayatollah Khamenei en Iran. Dans la chronique, on va en reparler. Et une grande respiration au jardin avec Alain Baraton. France Inter présente. Suis-je faite pour l'amour ? C'est la question que je me pose dans mon nouveau podcast, Chronique d'une célibataire. Louise Aubéry. Quand ma sœur jumelle m'a annoncé qu'elle allait se marier avec mon meilleur ami, j'ai réalisé que j'avais 6 mois pour trouver celui qui allait m'accompagner au mariage. Faut-il se remettre avec son ex ? Comment rencontrer des gens dans la vraie vie ? Est-ce que je veux réellement des enfants ? Je me suis dit qu'il était temps d'aller trouver des réponses. Chronique d'une célibataire. Un nouvel épisode à retrouver tous les jeudis sur l'application Radio France. Il est 7h40. France Inter. Le 6-9. On va en reparler, Sophie Parmentier. Vous brossez ce matin le portrait de Hassan Khamenei, cité parmi les possibles successeurs de l'ayatollah Khamenei, tué il y a une semaine par une frappe américaine en Iran. Et comme l'ayatollah Ali Khamenei, Hassan Khamenei porte un turban noir sur la tête, signe qu'il se considère comme un seyed, un descendant du prophète Mohammed. Hassan Khamenei a 53 ans et quand il était enfant, il était photographié en pantalon de velours et pull jacquard à côté de son illustre grand-père paternel, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, le révolutionnaire qui a renversé le régime du Shah d'Iran et fondé la République islamique en 1979. Dans les pas de son aïeul, Hassan Khomeini a étudié au séminaire où il est devenu clerc, puis il a enseigné dans la ville sainte de Qom. On le présente aussi comme un homme qui s'intéresse à la philosophie. Ces derniers mois, Hassan Khomeini a pris plusieurs fois la parole publiquement dans des discours dont des extraits ont été diffusés sur les réseaux sociaux, parfois mis en scène sur fond musical. La révolution, c'est le chef-d'œuvre de Khomeini. Mon grand-père a vraiment fait du grand art. Avec sa révolution, il a su réunir tous les citoyens, quel que soit leur dialecte. Il a réuni tout le monde sous le même drapeau iranien. Il y a quelque chose de fraternel. Il faut faire attention de ne pas abîmer ça. Il faut poursuivre dans cet objectif. Depuis toujours, il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais il faut qu'on soit soudés, unis, qu'on s'aime les uns les autres. C'était quelqu'un de très juste, Khomeini, et de populaire. Dans ce discours daté du 17 octobre, Hassan Khamenei, petite barbe pointue et habit traditionnel, fait donc un éloge inconditionnel de son grand-père, inhumé dans un mausolée dont Hassan Khamenei est devenu lui-même le gardien depuis 1995. Hassan Khamenei, petit-fils élogieux donc, qui est aussi considéré comme un homme assez ouvert. C'est en tout cas ce qu'on dit de lui. Hassan Khamenei d'ailleurs est l'un des rares à avoir parfois eu des mots pour soutenir la jeunesse révoltée de depuis plusieurs années. Il ne faut pas oublier la majorité des gens. Il faut être avec eux, c'est ce qu'il faut. Et la majorité, ce n'est pas seulement les gens autour de nous, les catégories les plus aisées, c'est toute la société. Chaque personne a le droit d'avoir un avis, de choisir son destin. La justice, c'est ultra important. C'est un discours cher à tous les jeunes, la justice. Tous les jeunes sont attirés par ce qui est juste. La jeunesse la réclame, cette justice. C'est le moteur de n'importe quelle société, ce besoin de justice. Mais il faut faire attention à ce que ça ne se traduise pas par un aveuglement. Alors, conviction profonde ou discours stratégique, Hassan Khamenei, père de 4 enfants, a quand même dit le mois dernier qu'il louait, je cite, « la sagesse de l'ayatollah Ali Khamenei en dépit de sa répression sanglante ». Hassan Khamenei a aussi affiché depuis longtemps une envie de réformer le pouvoir à Téhéran. À l'époque, il avait été écarté par ceux qui l'accusaient d'être un ecclésiastique corrompu. On va en reparler. Merci Sophie Parmentier. On vous retrouve à 9h moins le quart pour votre revue de presse. Le 6-9 sur France Inter. Et c'est l'heure de la main verte. Bonjour Alain Baraton. Bonjour Marion, bonjour à tous. Nous sommes le week-end du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, et vous rendez hommage aujourd'hui et demain à des femmes d'exception. Oui, j'ai déjà ici même évoqué la mémoire de Wangari Maathai, la première femme africaine à recevoir en 2004 le prix Nobel de la paix pour son engagement en faveur de la nature, des droits humains et en particulier ceux de la femme. J'ai aussi évoqué Marion, Jeanne Barret, la merveilleuse Jeanne Barret. Elle est née en 1740 et elle fut la première femme à avoir fait le tour du monde en bateau et surtout l'une des plus grandes botanistes, j'allais dire de son temps. Je serais même tenté de rajouter de tous les temps. Alors j'avais envie ce matin de vous parler de Bette Château et Béatrix Farrand, toutes deux vraiment inconnues du grand public. Alors on commence par Bette Château, elle est née en Angleterre en 1923. Oui, et après de brillantes études, elle peut enfin se consacrer à ses passions, la nature, l'architecture et le jardin. Elle est l'une des toutes premières femmes paysagistes à créer des jardins dans des sols pauvres et à prendre vraiment conscience de l'importance de respecter l'environnement. Cette femme nous a quittés il y a 7 ans, après avoir consacré sa vie à jardiner, enseigner, écrire et diffuser ses compétences. Elle fut officière de l'ordre de l'Empire britannique. Elle a aussi reçu en 1987 la médaille Victoria de l'honneur. C'est une distinction décernée aux plus hautes personnalités du monde de l'horticulture. Oh, vous l'avez, Alain ? Non, je ne l'ai pas et j'aurais aimé l'avoir. Mais ça viendra. Oh non, je doute. Je doute pour une raison simple. il ne peut pas y avoir plus de 63 personnes titulaires de cette médaille en même temps. 63, donc, c'est immense. Il faut en tuer quelques-unes. Bah, il faut d'abord en tuer quelques-unes. Oh non, Laurent Delmas, c'était bon. Je veux dire, non, c'est très peu, 63. Ouais. 60, en même temps. En même temps, oui. Ah oui, oui. La seconde femme que vous souhaitez mettre à l'honneur, elle s'appelle Béatrix Farran, elle n'a pas cette médaille ? Non, elle ne l'a pas. Et c'est une jardinière américaine. Oui, elle est née en 1872 et comme souvent, elle se passionne très jeune pour le jardin. Quand elle pourra enfin en faire son métier, elle se plaira à dire, et j'adore, qu'elle n'est pas paysagiste, mais jardinière du paysage. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Ah bon ? Oui, je trouve. Oui, parce que paysagiste, c'est quand même un petit côté un petit peu pompeux. Dire, je vais transformer le paysage. Alors que jardiner le paysage, c'est accompagner la nature, je trouve ça beaucoup plus glorieux. Alors, Béatrix Farran va militer pour le respect des plantes et paysages régionalistes et elle s'intéresse déjà aux jardins verticaux. Béatrix Farran est incontestablement le jardinier, j'emploie volontairement le masculin. Et pourquoi ? Parce que justement, de tous les jardiniers hommes ou femmes, c'est elle qui aura le plus influencé l'art des jardins aux États-Unis. Pour laquelle John Rockefeller, il avait quelques moyens, qui était, je rappelle, l'homme le plus riche du monde, lui confiera l'aménagement de ses propriétés. Mais c'est vrai que ces deux femmes, deux autres à venir demain, ces deux femmes ont très grandement contribué à faire du métier, le plus beau métier du monde. Mais il est vrai que les femmes, malheureusement, dans le domaine qui est le mien, n'ont pas eu la place qu'elles méritent. Et parmi les auditeurs qui vous écrivent, il y a aussi des femmes, par exemple Julie. Faut-il vraiment tailler les forsythias pour qu'ils fleurissent ? On rappelle, les forsythias, c'est ces petites fleurettes jaunes là, qui fleurissent en ce moment sur des grands rameaux actuellement. Oui, on est en plein dans la floraison des forsythias. Forsythias qui rend hommage à un pépiniériste anglais du nom de Forsyth, je le dis pour faire l'intéressant. Ah oui, non, c'est intéressant, effectivement. Quand même. Et sachez également qu'on appelle le nom vulgaire ou vernaculaire du forsythia, c'est le mimosa de Paris. Là, il ne faut peut-être pas vraiment exagérer. Alors le forsythia, il a tellement été manipulé, travaillé, etc., que si vous ne le taillez pas, il va partir dans tous les sens, il va grimper et perdre son intérêt. Donc oui, après la floraison, donc je dis bien après la floraison, vous le taillez relativement court et l'an prochain, il fleurira jaune. L'avantage du forsythia, c'est que quand on voit les fleurs, on se dit ça y est, le printemps arrive, exactement. Il n'est peut-être pas encore là, mais il approche bientôt. Lucas voudrait savoir quel est le meilleur moment pour semer des bêtes comme les bêtes à manger. Alors oui, des bêtes gratinées au four, les bêtes, eh bien, se sèment, on va dire, en mars-avril. Mais la France est un pays qui possède plusieurs climats. Le climat breton n'est pas tout à fait le même qu'il y a du côté de l'île de Grenoble ou de Marseille. Eh bien non. Donc, mars, quand on habite dans les régions dites privilégiées, je pense au pourtour méditerranéen, et plutôt en avril, eh bien, quand on habite au nord de la Loire. J'adore cette... Quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, on parlait du nord et du sud de la Loire. Oh, vous êtes adorable. Du nord... Non, mais ça fait plaisir à entendre. Au nord de la Loire, on se doute que les températures sont quelque peu fraîches. Alors, n'hésitez pas non plus à arroser en été. La bête déteste le manque d'eau en été. Je suis très limité, il y a des fois sur le paillage. Et attention, n'exagérons pas, la bête ou la blette adore le paillage parce que ça garde l'humidité à son pied. Et merci Alain Baraton. Deux autres portraits de femmes donc à venir demain. C'était La Main Verte. Merci à vous. Le 6-9. Marion Lourd. Sur France Inter. Et à 7h49, le premier invité de cette matinale est le maire écologiste de Lyon, candidat pour les municipales 2026. Bonjour Grégory Doucet. Bonjour. À 8 jours du premier tour donc des municipales, votre principal adversaire, Jean-Michel Aulas, ex-président de l'Olympique lyonnais, soutenu par les partis de droite et du centre, vous devance de plus de 15 points dans les sondages. Vous qui avez l'appui de presque toute la gauche hors LFI, la patronne de votre parti, Marine Tondelier, dit encore croire à votre remontada. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Bien sûr, sinon je ne serais pas sur votre antenne ce matin. Alors quelle sera la méthode pour cette remontada ? D'abord une campagne très en proximité, c'est tous les jours sur les marchés, en porte-à-porte, des réunions d'appartements, être au contact des Lyonnaises et des Lyonnais, et puis venir au débat, à la rencontre ce matin, à la rencontre de vos auditeurs et de vos auditrices. Débat que je rappelle que M. Aulas refuse, puisque depuis le débat sur BFM, il n'a répondu positivement à aucune proposition de débat d'aucun média. Est-ce que la méthode, c'est aussi des attaques, par exemple, contre Jean-Michel Aulas ? Parce que d'après le magazine Politis, vous avez affirmé que l'ancien patron de l'OL serait un ennemi de la République. À quoi il avait répondu que la République vaut mieux que l'outrance ? Oui, alors en l'occurrence, vos collègues de Politis se sont trompés, parce que ce n'est pas les mots que j'ai prononcés à l'égard de M. Aulas. Je parlais de CNews comme des ennemis de la République. Voilà, comme ça c'est dit sur votre antenne. Alors ce sont vos propos et ils vous engagent. Ce que vous reprochez à Jean-Michel Aulas, en fait, c'est d'avoir demandé que le portrait de Quentin Derenck, ce militant identitaire qui a été tué en février dernier, soit affiché sur l'hôtel de ville. C'est aussi de ne pas avoir fait le ménage dans les rangs des supporters de foot, puisqu'il dirigeait le club de l'OL. Les ultras de l'OL, dont certains ont par le passé fait des saluts nazis, des cris de singe en tribune. Il n'a pas fait assez, Jean-Michel Aulas, quand il dirigeait ce club de foot? Non, mais la question que vous me posez en rapport avec l'affichage du portrait de Quentin Derenck, elle est quand même importante à traiter. Enfin, je veux dire, rendez-vous compte, on est dans la ville de Jean Moulin. On est capitale de la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire que d'afficher le portrait d'un identitaire sur l'hôtel de ville? C'est faire de Lyon la capitale de la complaisance? Mais c'est aussi un jeune homme qui a été tué et... Oui, c'est une tragédie pour la famille. Potentiellement, sans doute, victime de violences politiques. Oui. Oui, mais il était aussi membre d'un groupe d'ultra-droite qui défendait des valeurs anti-républicaines. Donc, qu'on ait de la peine pour la famille, les amis, et d'ailleurs, moi j'ai eu le père de Quentin Derenck au téléphone pour lui présenter mes condoléances, c'est normal. Après, on n'affiche pas le portrait de quelqu'un qui défendait des valeurs anti-républicaines. C'est pour ça que je vous dis que, en tout cas, moi, maire de Lyon, la ville ne deviendra pas la capitale de la complaisance. On va revenir à cette question de Quentin Derenck. Je voulais juste vous reposer cette question sur les ultras, ces supporters de l'OL qui ont fait par le passé des saluts nazis, ce groupe, la Mezza de supporters identitaires dont Jean-Michel Aulas a serré la main. Est-ce qu'il n'a pas fait assez quand il dirigeait l'OL ? Assurément, et de mon côté, je vais vous dire, dès le début de mon mandat, la lutte contre les groupuscules d'ultra-droite a été une priorité, puisqu'on a engagé un certain nombre de mesures. J'ai fait fermer des locaux de ces groupes, j'ai demandé la dissolution de certains, et obtenu notamment celle d'un groupe qui s'appelait les Remparts. Et vous voyez, sous mon mandat, eh bien, de nouveau, on peut, quand on est membre de la communauté LGBT, par exemple, eh bien, circuler dans le Vieux-Lyon sans avoir peur d'être inquiété, alors que c'était le cas précédemment. La marche des fiertés peut de nouveau avoir lieu à Lyon sans craindre d'être attaqué par des membres de l'ultra-droite. Et pourtant, Grégory Doucet, rue 89 Lyon, a recensé près de 102 actes violents visant principalement des militants de gauche ou des personnes racisées entre 2010 et 2025. Le média en ligne rapporte que 70% de ces affaires sont restées impunies. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas relâcher l'effort. Et comme je le disais un peu plus tôt, il ne faut surtout pas devenir la capitale de la complaisance. Vous dites que vous avez donc fait dissoudre notamment ce groupuscule d'extrême droite, les Remparts. Est-ce qu'il faut appliquer la même chose aux groupuscules d'extrême gauche qui se sont formés également ? Mais il y a une enquête qui est en cours. Il y a un ministre de l'Intérieur dont c'est la responsabilité et j'espère que eh bien, si les éléments qu'il a entre ses mains le conduisent à juger qu'il faut le faire, il le fera. En tout cas, j'espère que sa main ne tremblera pas. Vous dites qu'il y a une enquête en cours, c'est justement, on en parlait tout à l'heure, hein, sur la mort de Quentin Derenck en février dernier, puisque 9 suspects ont été mis en examen, écroués pour meurtre, association de malfaiteurs, complicité et violence aggravée, et que d'après une source proche du dossier, plusieurs de ces personnes arrêtées sont connues pour être des membres ou des proches de la jeune garde fondée par le député LFI, Raphaël Arnaud. Vu ce contexte, Grégory Doucet, dans quelles conditions une alliance est-elle possible au second tour avec la liste LFI d'Anaïs Belouassa-Cherifi ? Alors concernant les prochaines échéances électorales, vous savez, mon objectif, c'est de rester maire de Lyon et surtout de mettre en œuvre le programme de l'Union de la gauche et des écologistes que j'ai l'honneur de mener. La c'est gauche ça mon objectif. Hors LFI. Oui, et moi, aujourd'hui, je fais campagne, je me bats pour que ce soit ce programme et cette union qui soit d'abord, bien évidemment, en tête au soir du premier tour et qui, demain, eh bien, constituera la majorité à Lyon. Mais donc, vous dites que la condition, vous l'avez dit notamment lors de précédents débats, la condition d'une alliance éventuelle au deuxième tour, puisque vous êtes à ce stade dans les sondages en deuxième position, ça serait qu'LFI ne désarme pas la police municipale. Non, c'est pas LFI qui désarmerait pas la police. En l'occurrence, ne réclame pas le fait de désarmer. En l'occurrence, je vous le disais, mon objectif, c'est bien de rester maire de Lyon, et c'est bien mon programme qui est le programme mais du premier tour de leur voix, et le programme du deuxième tour. Oui, mais moi, je m'adresse aux électeurs et aux électrices de LFI d'abord. Donc il n'y aura pas forcément d'alliance formelle. C'est-à-dire que vous allez vous adresser aux électeurs sans forcément fusionner les listes ou accepter des éléments de programme. Écoutez, on verra au soir du premier tour. Mais au soir du premier tour, il faudra tous qu'on prenne nos responsabilités, parce que là, je vous parle de mon programme qui est ma priorité, qui est mon objectif. Mais en fonction des résultats, il faudra aussi qu'on se regarde peut-être tous les yeux dans les yeux. Et bien évidemment, il y a Anaïs Belloissa qui est la candidate des Insoumis, mais il y a aussi Georges Képénékian et Madame Nathalie Perrin-Gilbert. Voilà, tous ces gens avec nous devront aussi regarder les résultats et se dire comment fait-on pour qu'un projet du siècle dernier, basé sur le tout béton et l'affairisme, ne voit pas le jour à Lyon. C'est ça le programme de M. Aulas. Oui, mais j'essaie de comprendre ce que vous dites là, Grégory Doucet. Ça veut dire que potentiellement, et selon votre score, les éléments de programme ne seront pas forcément négociables avec les autres candidats de gauche qui pourraient arriver derrière vous au premier tour de l'élection. Alors, moi, je l'ai dit, sur le programme, mon programme du premier tour sera mon programme du deuxième tour. Rien ne changera. C'est très clair, oui. On a travaillé pendant des mois sur un programme dans le cadre de cette union de la gauche et des écologistes. Ce programme est extrêmement complet. Il priorise les attentes des Lyonnaises et des Lyonnais qui sont très clairement exprimées quand vous discutez avec eux et avec elles. C'est le logement, c'est la santé, c'est la sécurité. Et donc on va en parler. Là-dessus, c'est là-dessus que nous avons axé notre programme. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui mon programme du premier.